disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de démocratie participative, particulièrement énergétisée par les événements dans les rues de France et de Navarre, grâce à nos démocrates qui vraiment assurent au maximum. Je suis très très fier d'eux, nous sommes tous collectivement fiers d'eux. Donc émission 6, épisode 30. Alors avant de poursuivre, je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Le forum EELB vous attend, eelb.su, c'est l'adresse. Pour Europe Écologie Les Brins, vous pouvez commenter les émissions, vous pouvez commenter les articles qui passent bien sûr sur le site, vous pouvez aussi soumettre des articles que vous trouvez sur internet, divers, des vidéos. Il y a un problème avec l'intégration des vidéos YouTube, ça sera réparé très prochainement, donc les vidéos YouTube vont redevenir visibles sur le forum, toujours des petits écueils techniques comme ça, donc ça va rentrer dans l'ordre. Donc n'hésitez pas à participer à ce forum, notamment pour commenter aussi les manifestations ou ne pas hésiter aussi à faire des comptes rendus sur ces manifestations. Mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets. Alors avant de poursuivre, je vais présenter naturellement les membres de l'émission de cette semaine. Alors... évidemment, c'est le mois d'août, donc on a souvent ces semaines-ci des personnes qui sont absentes, mais pas d'inquiétude. Nous rejoint depuis, parce que t'es absenté depuis un moment, il y a des occupations, c'est bien sûr MacDav. Salut MacDav, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Gandalf, bonsoir chers amis démocrates. Est aussi avec nous cette semaine, Captain America. J'espère qu'il va bien, Captain. Le Captain va bien. Et il va procéder au rappel historique de l'émission Démocratie participative, enfin un des deux, qui est En avant Guingamp. En avant les nègres. Bien évidemment. En avant les nègres. Peut-être un symbole de ralliement dans les manifestations. En avant Guingamp. Ouais, en avant Guingamp, parce que si tu fais toute la phrase en entier, tu risques d'avoir la marée chaussée qui va te poser deux, trois questions, ou le service de sécurité de Florian Philippot. Hein, on pourrait aussi crier haut et fort « Que loué soit !» Si t'as quelqu'un qui balance l'éther nègre dans le dos, t'as tout Voilà, exactement. On enchaîne bien sûr avec Fulbert, qui nous fait le plaisir aussi d'être là cette semaine. Les gens se font du souci pour ta cave, Fulbert, après toutes ces inondations. Tu as perdu un des juifs dans l'opération. Je sais que tu en voudrais davantage. Peut-être que nos auditeurs en auront à te proposer, si tu as encore de la place. Est-ce qu'elle est sèche, cette cave, Fulbert? Ah, mais elle a été sous eau. Effectivement, j'ai perdu quelques personnes là, tout va bien maintenant, en tout cas moi je vais bien, merci, bonjour Gandalf et bonjour à tous. Des travailleurs auxiliaires. Tout à fait. Le cardinal m'empresse de vous passer un amical salut à tous. Il est dans sa retraite spirituelle, intense, très occupé le cardinal, mais il a particulièrement apprécié les appels du peuple de Dieu le voir se manifester à nouveau. Il entend vos prières et il vous demande de prier davantage, car l'heure est grave et il compte sur vous pour l'aider dans son combat spirituel. Donc des prières pour le cardinal, mais il ne perd rien des manifestations, des pancartes, des appels, même directs à lui pour qu'il apparaisse faire l'œuvre de l'Éternel, bien évidemment. Alors, messieurs, je vais remercier les donateurs de cette semaine. Il y en a un, pour autant que je puisse dire. Enfin, il y en a d'autres, mais il y en a un qui s'est manifesté. Alors, comme vous le savez, vous pouvez nous soutenir par crypto-monnaie exclusivement. Monero, qui garantit l'anonymat du donateur comme de celui qui reçoit le don, ainsi que du montant de la dite transaction. J'insiste, utilisez Monero pour vous, surtout si... dans le cadre de votre activité économique, dans les années à venir, ça sera utile. C'est moins qu'on puisse dire. C'est pas très sorcier à maîtriser du tout. Alors là, c'est Blanc Bourguignon qui nous écrit. Alors je tiens à saluer d'ailleurs au passage, parce que tant que j'y suis, un démocrate qui avait un magnifique drapeau bourguignon, aux Croix de Bourgogne, avec des quilles partout. Il se reconnaîtra, c'était en Bourgogne même d'ailleurs. Amical salut. La flamme bourguignonne, je pense, s'allumera, je pense. Alors, Blanc Bourguignon nous écrit ceci. « Bonjour à toute l'équipe. Je viens de vous envoyer mon don mensuel, largement mérité. Merci pour votre travail de réinformation sur les pathogènes de ce monde, qu'ils soient juifs ou créés par les juifs, ou encore dispersés par les juifs. Il y a là comme un fil conducteur. La victoire sera nôtre. » Alors, merci Blanc Bourguignon. Je ne connais pas le montant du don, mais peu importe. Merci à lui pour son soutien et merci à tous ceux qui nous soutiennent tous les mois. Nous en avons des mécènes ou alors ponctuellement. Enfin bon, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Alors, l'émission sera cette semaine essentiellement structurée autour de ces manifestations qui sont un vrai succès. Mobilisation assez extraordinaire officiellement. J'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est 230 000, 240 000 reconnus par le ministère de l'Intérieur qui reconnaît une progression. Pour ma part, je pense que c'est très facilement le double, mais un peu plus. Je serais autour de 600 000. À mon avis, c'est plutôt 600 000 personnes dans toute la France. Compte tenu des chiffres que moi j'ai avec des personnes que je connais dans ma région d'origine, il y a des gens partout, je veux dire, même dans des villes modestes. Voilà. Alors, évidemment, vous pouvez avoir dans telle ou telle ville, par rapport à la semaine précédente, un petit peu moins de monde, mais grosso modo, on est quand même sur une très grosse mobilisation. Les vidéos disponibles en font preuve. La manifestation de Florian Philippot, par exemple, a été un très réel succès. Il y avait énormément de monde dans cette manifestation. Il y avait des drapeaux français partout. Enfin, c'était vraiment, comme je l'avais dit la semaine dernière, c'était très français comme manifestation chez Florian Philippot. Il y a quand même une ambiance qui est plus respirable de ce point de vue-là. Alors, du coup, une émission structurée autour de ces manifestations, avec un retour d'expérience sur le terrain. Alors, je précise ça, je remercie tous les démocrates qui ont pris des photos de leurs manifestations et qui les ont associées parfois, et même assez souvent, à des comptes rendus. Alors, c'est très utile, merci à vous, parce que comme ça, on a un regard sur ce qui se passe dans les cortèges. On prend la température comme ça à distance. Évidemment, on ne peut pas être présent dans toutes les villes, c'est évident. Enfin, je veux dire, l'équipe. Et donc, on a comme ça un ressenti très intéressant. La première personne, c'est toujours utile. Et merci pour toutes vos photos qu'on essaye de mettre autant que faire se peut en avant sur le site pour que tout le monde puisse voir qu'on est plus nombreux qu'on ne pense. Alors, on n'est pas une église... peut-être à tort d'ailleurs, mais en tout cas, on est une, on va dire, une communauté de pensée et elle se met en avant et c'est très très très bien. Donc merci à tous ceux qui nous envoient ces courriers, ces photographies. Il y en a beaucoup, on a plus que la semaine dernière d'ailleurs, c'est très bien, merci à vous. Donc, plus forte mobilisation. Et parmi tous les courriers que nous avons reçus, j'en ai choisi quelques-uns. Mais avant de rentrer dans les courriers relatifs aux manifestations, il y en avait un que je n'avais pas pu lire lors des missions précédentes. Il date d'un peu plus d'une semaine. Et c'est un jeune homme qui se pose toute une série de questions par rapport à notre situation. Il va bien sûr se reconnaître. Alors, je lis le courrier, le premier courrier des lecteurs. Alors, bonjour à tous les membres de l'équipe d'EDP et à tous les démocrates. Je suis dans une situation assez délicate et je me suis dit que vous écrire pourrait me donner des idées en plus de celles que vous me proposerez. Ce témoignage sera long, j'ai tendance à m'étaler, mais il permettra d'aborder la thématique des très jeunes démocrates participatifs. Donc, je suis un jeune adolescent de 15 ans, issu d'une famille de la classe moyenne. Le père est professeur, la mère est au foyer, dans le but de prendre soin donc des gamins. Nous vivons paisiblement dans un coin de la petite couronne parisienne en centre-ville, avec mes parents, un frère, une sœur, tous deux plus jeunes que moi. Notre localisation géographique nous permet de ne pas être exposés à la faune sauvage et agressive, dealeuse de drogue et passant son temps sur des motos à polluer l'environnement sonore. Mais donc il est au contact d'une faune plus ou moins domestiquée, de la faune à lunettes assez respectueuse avec laquelle on peut même être ami, je dois dire, dit-il. Donc j'ai découvert démocratie participative il y a 6 mois de cela. Et j'adore. Pendant que mes camarades nègres et blancs négrifiés, main dans la main, font la fête et se défoncent la gueule tard le soir, je m'endors paisiblement dans mon lit. Le dernier podcast de DP aux oreilles, la douce voix de Gandalf imitant un nègre du Mali me chatouillant les tympans. Bon, c'est gentil. C'est dommage que ma voix ne séduise que lorsque j'imite uniquement les nègres. Quand même, j'ai une petite déception, mais c'est mieux que rien. Politiquement, mon père se considère comme écolo et ma mère comme apolitique. Cependant, il se peut que des pulsions racistes s'échappent d'eux de temps à autre. Donc. Ainsi, ils avouent à demi-mot que les Noirs sont inférieurs. Ils ont également hérité de cette tradition anti-juive de leurs parents. Vous savez, cet antisémitisme irrationnel dont quelques arrière-grands-parents français sont le dernier vestige. Ce sentiment anti-juif viscéral qui caractérisait si bien les foules médiévales, chrétiennes jadis, et aujourd'hui, les foules mahométanes. Oui, il faut le dire, mais pas seulement. Mais là n'est pas le sujet. La rentrée prochaine, j'entre en première dans un des meilleurs lycées de France, un lycée parisien dont vous connaissez très probablement le nom. Je ne dirai pas lequel, par précaution évidemment. Surdoué, j'ai toujours été le meilleur de la classe sans fournir d'efforts. Mes parents se sont énormément investis dans ma réussite et l'ont même programmé avant ma naissance. Or, les juifs étant des juifs et la pitié leur étant inconnue, des mesures discriminatoires en rapport au vaccin ont récemment été annoncées par le PITRE, qu'est le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, dans les lycées donc. Si dans une classe un cas positif au Covid est détecté, les élèves non vaccinés seront priés de foutre le camp et de suivre les cours en visio chez eux, tandis que les élèves vaccinés suivront les cours en présentiel. Autant dire que ça passe en lubrifiant. Suivre les cours en distanciel n'est pas un problème pour moi. En effet, j'ai de grandes capacités, je prépare chaque année scolaire à l'avance. Par contre, ne pas être à niveau d'égalité avec les autres élèves est extrêmement problématique. Je m'explique. Après le bac, je compte passer par une filière très sélective où les meilleurs des meilleurs galèrent rien qu'à être acceptés. Si une telle différence de qualité d'enseignement s'opère entre vaccinés et non vaccinés, il est certain que la filière à laquelle j'aspire discriminera les non vaccinés. Et ce n'est toujours pas le plus gros problème, car même si les juifs se mettent à déclarer des cas positifs à tout va, je m'en sortirai. Le problème est que mes parents voient du jour au lendemain leur projet de réussite pour moi couler à l'eau à cause du gouvernement prétextant une grippe pour ruiner les études de tant de bosseurs. Ils ont littéralement dédié leur vie à prendre soin intellectuellement de leurs enfants. Ça leur fait bien plus de mal d'apprendre que mes études pourraient être compromises qu'à moi-même. Ainsi, ils me parlent de plus en plus de me faire vacciner. Mon père se fout du vaccin, il aimerait le faire seulement pour bénéficier de la salle de sport. Cependant, il reste complètement sourd à tout ce que je lui dis concernant les dangers de la vaccination. Il ne s'est pas vacciné grâce à ma mère, anciennement infirmière, qui est totalement éclairée du danger qu'est la vaccination et qui l'empêche de s'empoisonner. Pourtant, je suis effrayé de voir que l'irrationalité s'empare d'elle aussi. Donc, Elle n'a absolument pas envie de voir la vie de la famille ruinée par toutes les restrictions à l'encontre des non-vaccinés. Et surtout, elle et mon père ne supporteraient pas de me voir échouer dans mes études. Ma mère et moi, nous sommes déjà rendus à un rassemblement anti-pass sanitaire, mais nous savons que ce n'est pas suffisant. En même temps, je ne vois pas quelle autre façon de résister s'offre à un gamin de 15 ans. Aujourd'hui, après que ma mère me dise que j'allais probablement devoir me faire vacciner pour les études, je lui ai répondu « la santé avant tout ». « Ton père se l'est ruiné, sa santé, pour tes études », m'a-t-elle rétorqué. En effet, les grandes écoles d'ingénieurs, ça peut coûter cher, surtout quand on a 3 enfants à qui on veut donner la possibilité d'atteindre les plus hauts étages sociaux intellectuels. Je ne savais pas quoi lui répondre sur le coup. Quelle doit être ma réaction face à tout ce bordel ? D'accord maman, je prends rendez-vous au vaccinodrome le plus proche, ou non maman, il faut résister, ce qui implique de perdre les fruits attendus d'un travail vieux de 15 ans, ne plus avoir accès à toute vie sociale, mais aussi aux soins, aux transports et bientôt au supermarché. Après, tu pourras y avoir accès, mais il faudra d'abord payer une bonne centaine d'euros tous les 2 jours pour ensuite te faire nasalement violer. Plus sérieusement, j'envisage de commencer mes études supérieures en France, car peu cher par rapport à d'autres pays. Puis je me barre de ce pays rendu merdique par ses saliutres, peut-être en Floride. Malheureusement, les gens simples sont loin d'être prêts à résister et il faut espérer que la situation aboutisse à un statu quo via une quelconque institution de droit qui s'opposerait au passeport sanitaire afin d'organiser, de structurer la résistance. Peut-être tenter d'obtenir un faux certificat de vaccination. Je n'en sais rien, je n'ai que 15 ans. Je suis anxieux quant à la suite, d'autant plus que nous savons tous que le gouvernement ne s'arrêtera pas là. De nouvelles interdictions concernant les étudiants non empoisonnés arriveront à nos oreilles de la part de Yahvé. Avez-vous des pistes de réflexion à proposer ? Je vous remercie d'avance pour toutes les réponses que vous m'apporterez. Merci à Démocratie Participative d'exister, de convaincre pour la vérité, bien cordialement. Et c'est signé, donc, Yahvé. Alors, bon, sujet difficile. Mais très pratique, qui illustre parfaitement les choix cornéliens que beaucoup de personnes doivent faire. Ouais, cornélien, c'est vite dit. Hein. Bon, écoute, Yaya, bon, première chose, c'est très bien que tu sois plus intelligent que la moyenne. En revanche, si t'es si intelligent que ça, je m'en fais pas pour toi. C'est-à-dire que même si tu rentres pas dans l'école que tu souhaites hein, intégrer, tu trouveras autre chose. C'est-à-dire les gens qui sont vraiment intellectuellement supérieurs et qui sont pas trop cons d'un point de vue relationnel, ils se démerdent d'une façon ou d'une autre. Surtout si en plus tu étais quand même né, peut-être pas forcément né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais les cartes qu'on t'a distribuées à naissance n'ont pas l'air d'être pourries comme elles peuvent l'être pour ce qu'on appelle la France périphérique. Donc, premièrement, vis-à-vis de ta mère, Yaya, c'est Hauptmann qui te parle. Donc, lorsqu'elle te dit que ton père s'est ruiné la santé pour te donner un avenir, c'est du chantage affectif, en fait. Et c'est même ce que j'appellerais du chantage à la piété filiale. Donc, effectivement, oui, tu dois la vie à tes parents, tu leur dois d'avoir le bon cadre de vie dans lequel tu évolues, tu leur dois effectivement d'avoir pu te concentrer à tes études, et tu leur dois également, bah, apparemment, ton QI supérieur, puisqu'il y a une bonne part de génétique, et il y a aussi également une part d'entraînement, hein, c'est 80-20. Mais du coup, la question à se poser, c'est quel est le but des parents pour leurs enfants dans la vie ? C'est bien évidemment de leur donner un avenir sinon équivalent à ceux qu'ils ont eus, ou alors c'est leur donner de meilleures conditions de vie par la suite. Okay ? Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Donc, si ta mère et ton père veulent te forcer à se faire vacciner, tout simplement pour que tu puisses avoir des facilités de vie dans le cadre de la société complètement déjantée dans laquelle nous allons évoluer. Est-ce que quelque part, ça ne rentrerait pas en opposition totale avec leur but, le but premier de tout parent ? Parce que, imaginons, tu prends le vaccin et tu fais une réaction allergique comme certaines personnes qui n'ont pas eu de bol, comme cette gamine de 14 ans qui est maintenant, qui bave et qui est dans un fauteuil roulant, et sa mère passe à la télé fièrement et dit « Oui, moi je soutiens toujours la vaccination, je crois en la science, machin. » ouais, ben, connasse, ta gamine, elle a plus d'avenir, en fait. Donc, premièrement, t'as un risque tout à fait immédiat. Parce que c'est juste de la loterie, en fait. Hein. T'as des gens qui vont crever du vaccin ou qui vont avoir des effets adverses secondaires de suite et qui, c'est fini pour eux. D'accord? Mais après, t'as aussi l'effet à long terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas de recul par rapport à cette vaccination. On ne sait pas ce que ça va faire. Tu vas peut-être, si tu te fais vacciner, ne pas avoir de problème maintenant, mais tu vas en déclarer plus tard. Et qui te dit que tu ne seras pas touché en tant que vacciné par une version qui va cibler exactement spécifiquement les vaccinés et que donc tu vas en crever. Donc je veux dire, là, excuse-moi, mais le but de tes parents, bah, c'est foiré, quoi. Deuxièmement, se faire vacciner pour se faire le dos rond, en fait, et donc il ne faut pas par rapport à ce que je viens de t'expliquer, mais il y a également aussi la question du pass sanitaire. C'est-à-dire que si le but de tes parents, c'est de t'offrir de bonnes conditions de vie pour toi, mais aussi plus loin dans la lignée, pour leurs arrière-petits-fils et compagnie, ne pas lutter contre le pass sanitaire en se faisant vacciner, ça va pas dans le bon sens non plus. Parce que là, hein, on parle juste du pass sanitaire et du QR code, mais qui nous dit que dans 5 ans ou dans 10 ans, ça sera pas à base de puces RFID implantées quelque part dans la peau, au niveau du bracelet, qu'on sera pas tous fichés comme numériquement, de façon digitale, hein, comme dans les pires dystopies qui ont été pensées jusqu'à présent. Films, hein, il y a plein d'exemples de films comme ça. Donc, toi perso, la seule chose que tu peux faire, c'est t'opposer à tes parents de façon calme, posée, pondérée, ne pas être dans l'émotif ou dans le chantage affectif. Si tes parents sont aussi intelligents que tu le laisses entendre, je pense qu'ils vont redescendre, en fait. Il faut juste être dans la logique et la raison. Alors, c'est vrai que les gonzesses, généralement, elles sont plus dans l'émotion. Donc, pas forcément commencer par ta mère. Moi, je dis ça parce que dans mon entourage très proche, j'ai aussi une personne assez jeune qui est rentrée en conflit avec notamment sa maman, qui pourtant elle aussi est doctorante dans un milieu scientifique, bon bref. Mais avec son père, c'est déjà passé beaucoup plus facilement, parce qu'il est, aussi scientifique, mais il est plus rationnel, c'est un mec. Donc voilà. Donc Yaya, bon courage, ne te fais pas dessus, hein, parce que quoi qu'il en soit, tu as un avenir, j'en suis persuadé, hein. Mais si cet avenir, il n'est pas, si tu ne rentres pas, hein, dans ces écoles d'ingénieurs ou autres par la grande porte, il y a toujours des moyens détournés de s'en sortir en France. Il suffit d'avoir de la ressource. Bon courage. Oui, bon courage à toi, Yaya. Tu me sembles très jeune, 15 ans. Je suis surpris que tu t'intéresses déjà à savoir quelle école d'ingénieur tu vas faire. C'est très bien. C'est pas un reproche que je te fais. Mais à 15 ans, ça veut dire que soit tu as beaucoup d'avance, soit tu comptes déjà intégrer le meilleur lycée possible pour pouvoir faire la meilleure prépa possible, j'imagine une prépa étoilée, et ensuite faire une grande école d'ingénieurs. Et je pense que le nombre de noms de ces écoles doit se compter sur les doigts d'une main. Mais je veux dire, quoi qu'il en soit, ta mère, ce qui l'intéresse, c'est surtout la conformité sociale dont tu vas faire preuve. L'histoire de la santé, elle s'en contrefiche absolument. Mais je veux dire, d'un pur point de vue rationnel, si ta mère est rationnelle, faut lui rappeler que dans ta tranche d'âge, qui est celle des 10-19 ans, il n'y a pas eu de décès du Covid sans comorbidité. Aucune. Il n'y a eu aucun mort du Covid-19. Il y a eu 9 morts de gens qui sont morts avec des comorbidités, et le virus a été pour eux juste la goutte d'eau qui leur a fait passer l'arme à gauche, mais il n'y a aucun mort dans la tranche des 10-12 ans du Covid-19. Sans comorbidité. Il faut le rappeler. Non, mais je veux dire, ça semble bête, mais il faut juste rappeler ça. Je veux dire, de 0 à 40 ans, le Covid a tué 17 personnes qui ne souffraient pas de comorbidité. Alors qu'on est déjà, je crois, à peu près un millier de décès en France. Hein. On a un millier de décès d'effets secondaires du vaccin. Donc, ça me semble tellement évident que la balance bénéfice-risque est totalement en défaveur des jeunes pour la vaccination, que faut juste remettre en perspective ces statistiques. Évidemment que la vaccination pour les personnes à risque, ça peut se comprendre, mais ça ne peut absolument pas se comprendre pour les personnes jeunes et surtout jeunes en bonne santé. Oui, je partage ce que vous avez dit. Ce qui me frappe beaucoup dans le propos de la mère de notre jeune auditeur, c'est à quel point c'est peu médical, ce qui est assez étonnant pour une ancienne infirmière. Le fond de son propos n'est pas du tout relatif à la santé. C'est quand même assez marquant. C'est-à-dire que on voit bien que la question de la vaccination, quand elle pose problème dans les familles, quand elle divise les familles, est très peu relative à la question de la maladie elle-même et essentiellement centrée sur des questions de conformité sociale. Voilà. Bien sûr, c'est de la conformité sociale, c'est uniquement ça. Et pour rejoindre Rothman, il faut être clair, en fait, pour les femmes, la conformité sociale est beaucoup plus importante que pour les hommes. Un homme peut se permettre d'être un peu à la marge d'une façon ou d'une autre. Mais chez les femmes, si tu veux, l'acceptation du groupe est essentielle. Donc c'est très compréhensible qu'une mère veuille que son enfant soit intégré d'une façon ou d'une autre. Mais par la question que t'entends, Yaya, par ton avenir, mais comme dit Othman, je veux dire, ton avenir, t'as 15 ans, ça se trouve, ton avenir se passera pas du tout par une grande école. Alors je sais, malheureusement, c'est très français, une grande part de ton statut social et de ton avenir professionnel, entre guillemets, en France, est déterminée par le cursus honorum, bon lycée, prépa, école d'ingénieur, quoi. C'est malheureux, c'est comme ça, et tu peux faire les choses autrement. Enfin, ne vois pas que les choses de cette façon, surtout en ce moment. Je veux dire, on sait même pas ce que vont devenir ces ingénieurs dans un proche futur. Oui, j'ai beaucoup apprécié le propos d'Opman. Donc en fait, bon, ce qu'il a dit, hein, c'est ça. Hein, c'est en fait, bon, l'équation telle que présentée par la maman de notre auditeur est très peu médicale, elle est très sociale, et finalement, notre jeune auditeur se pose la question, moi, ça, le présentiel, ça fait une différence, etc. Bon, moi, je n'ai pas trop aventuré sur ces questions-là, parce que je ne suis pas suffisamment familier, mais je pense que ce n'est pas vraiment un vrai obstacle, d'autant que je crois qu'il faut être positif pour plus être en présentiel. Je ne crois pas à ce stade, hein, qu'ils aient prévu d'interdire l'accès des lycées aux non-vaccinés, aux élèves non-vaccinés. Je crois que c'est si jamais un non-vacciné est positif à ce moment-là, il doit rester à domicile. Je crois que c'est en tout cas, c'est ce que j'avais compris. Dans l'émission, j'ai dit respectons un moratoire sur l'année 2022, éventuellement sur l'année 2023, mais au moins l'année 2022. C'est-à-dire, observons ce qui va se passer. Pourquoi se précipiter? Pourquoi se jeter sur les ordres de ce gouvernement, dont on sait aux mains de qui il est, sur la vaccination, comme s'il y avait une urgence? Cette urgence est créée de toutes pièces par les médias. Il n'y a pas d'urgence sanitaire. Nous ne sommes pas, à ce stade, dans la peste noire. Nous ne voyons pas les cadavres s'empiler au coin des rues. C'est pas une question de bien choisir ou de mal choisir à la journée près. D'accord ? Donc pourquoi cet empressement ? Parce que le gouvernement met la pression sur la population en l'intimidant avec son bâton, avec ses restrictions, ses menaces. Mais dans quelle société sommes-nous ? Je veux dire, et que Macron... Alors Macron utilise le terme de dictature. Alors moi j'ai des réserves quant à l'utilisation effectivement du terme dictature, parce que je pense qu'il y a une noblesse dans ce mandat, le mandat dictatorial romain a, je trouve, sa légitimité. Hein. Le terme est souvent dévoyé, généralement d'ailleurs par la gauche, pour faire des procès en fascisme à tous ceux qui lui déplaisent. Donc on avait dit ici dans l'émission qu'on préférait le terme de tyrannie, mais comment dirais-je, que Macron prétende que nous sommes dans une société libre, etc. C'est absolument faux. C'est absolument faux. On pousse les gens, voilà, vous avez vu ce qui se passe là, avec leur législation scélérate votée en plein cœur de l'été et à dessein. Ils ont ça en tête depuis très longtemps. Rappelez-vous Barbier, il est même dans notre générique, Christophe Barbier. Je veux dire, ils ont ça en tête depuis au moins un an. Donc en fait, tout ça est dans les tiroirs. C'est ce qui nous fait dire que ce n'est pas du tout la situation sanitaire qui dicte ces mesures d'urgence. C'est un plan qui a été sciemment préparé, très en amont, et qui est mis en pratique. Voilà. Bon. Mais ce n'est pas parce que ces gens-là veulent pousser le troupeau à coup de pompe dans le cul, le brutaliser, l'effrayer, que les gens les plus rationnels, les plus intelligents, doivent céder. D'accord ? Donc, il nous faut du recul. Moi, je dis, voilà, 2022, adoptons une politique de retenue et regardons ce qui se passe. Regardons si ce vaccin, dont on nous a dit qu'il allait faire des miracles, va produire les effets dont on nous a dit qu'ils étaient assurés. On va en reparler un peu plus tard dans l'émission, mais les chiffres qui ont été abordés récemment dans l'émission, que ce soit à Singapour ou en Islande, pour ne citer que ces pays-là, ou même les États-Unis, là, où ils viennent de rétablir le port du masque pour les doubles vaccinés, indiquent que nous sommes très loin des 95% des réussites. Et ça, c'est si on achète la version officielle de la situation. Hein, on est tous menacés par un virus terrible qui va tous nous tuer, quoi. Moi, je le dis depuis longtemps dans l'émission maintenant, je suis rejoint par tous les membres d'ailleurs de l'émission là-dessus, enfin en tout cas la plupart, c'est la vaccination qui peut créer de vrais problèmes, d'accord ? Donc, moi ce que je dirais à notre jeune auditeur, il n'y a pas de raison de se précipiter là-dessus. Donc, il veut se projeter dans l'avenir, il calcule à long terme, c'est très très très bien, mais on n'est pas dans une situation où on peut planifier à long terme. Il y a beaucoup trop de paramètres et d'incertitudes qui rentrent en jeu pour dire, voilà, dans 3 ans, je vais faire ça. C'est désagréable, c'est frustrant, mais il n'empêche que c'est notre réalité. Donc, il y a trop peu de visibilité pour se dire, je vais décider de faire ça, maintenant, alors que je ne sais pas ce qui se passera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Parce que, et vous le voyez avec Macron qui a fait sa nouvelle... Il fait des vidéos sur TikTok, il ne peut plus s'empêcher, mais Instagram, TikTok, voilà. Il explique, voilà, il faut une troisième dose. Alors, oui, c'est pour les vieux, vous avez bien compris. Au départ, la double vaccination aussi, c'était compris que pour les vieux. Hein. Puis bon, en fait, il en fallait 2 pour tout le monde, et puis tout le monde va en prendre 3, et puis on va mettre la vaccination obligatoire pour tout le monde, etc. Bon, je veux dire, ça n'arrêtera jamais. Donc, si vous voulez, face à cette mécanique, je sais qu'il est tentant de se dire... je rentre un doigt, mais si ça va trop loin, je m'arrêterai avant que ça me bouffe le bras entier. Non. C'est-à-dire qu'il faut commencer tout de suite sur les meilleures bases et adopter un principe et ne plus en dévier. Parce que si vous dites « je cède maintenant, puis après, si je réviserai... » Non, parce que ça nous amènerait sur la question de la vaccination et tout, mais je veux dire... Après, vous n'en sortez plus, quoi. C'est ce qu'avait dit Vincent Renoir il y a 2 semaines, la théorie de l'engagement. C'est-à-dire, une fois que vous mettez la main dans l'engrenage, vous n'en sortez plus parce que vous avez cédé une fois au chantage. Ils reviennent avec d'autres arguments, ils vous intimident, ça n'arrête pas. Donc, je pense qu'il faut faut adopter une position de départ pour que les choses soient claires de votre point de vue et s'y tenir, et puis c'est tout. Et puis, après, eux, vous les laissez faire leur chantage. Mais on a quitté le champ du médical. Hein, je veux dire, vous avez qu'à regarder comment parlent tous ces gens. Ils parlent comme des mafieux. Hein, moi, je suis désolé. Moi, j'écoute Macron, j'écoute Véran, Borne et compagnie. Ces gens parlent comme des mafieux. Ils ont un langage d'intimidation, de chantage. Ils négocient, mais constamment avec des représailles. Qu'ils agissent sous le nez des gens. Je veux dire, on n'est pas du tout dans le médical, il faut arrêter. En dernière instance, tous, alors, les gens font les choix qu'ils veulent, mais on doit quand même avoir ce principe à l'esprit que tous, collectivement, on a le droit de décider ce qui est bon pour notre santé ou pas. Si on n'a pas confiance dans un vaccin, on ne le prend pas. Et ce n'est pas parce qu'on nous menace de licenciement ou de ne pas avoir de vie sociale, qu'on doit céder là-dessus. Parce que si on hypothèque sa santé parce que l'État nous a menacés, quelle vie aurez-vous après ça? Je veux dire, c'est philosophique, c'est fondamental, là. C'est un choix de vie. C'est, si on cède aux menaces de l'État sur quelque chose aussi fondamental que sa santé, tout le reste, si vous voulez, devient... tout le reste est à l'avenant, quoi. Voilà. Donc, pour moi, il n'est pas question... Enfin, de mon point de vue, c'est mon point de vue à moi, hein, mais il est impossible de céder à un État mafieux qui se livre à des menaces sans aucun rapport avec une situation médicale. C'est pas possible. Oui, pour en revenir à le manque de visibilité, je pense que même ce gouvernement, effectivement, il joue au poker. On peut parler de discours de mafieux, c'est vrai, mais ces gens jouent au poker. On le voit. Et Macron joue perpétuellement au poker. Alors, il est mauvais joueur parce que, si tu veux, il a accès au jeu de cartes, hein, donc il peut tricher de la façon dont il veut. Mais on voit bien qu'il y a une énorme part de bluff dans leur histoire. Ils mentent éhontément, ils bluffent, et quand ça passe mal, ils menacent. Ce sont des putes. C'est du niveau Castaner, en fait. Castaner n'était pas une anomalie dans la classe politique française. Castaner est l'incarnation de cette classe de politique. Des petits joueurs de poker qui se prennent pour des mafieux. Voilà. Oui, des petites frappes, oui, des petites frappes, oui. Mais je veux dire, bon. Il faut comprendre qu'on n'est plus sur le médical. Et le courrier de notre auditeur exprime exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, il dit, voilà, je m'intéresse à la vaccination. Il dit que sa mère, qui est infirmière de formation, est elle-même parfaitement informée des risques de la vaccination. Et à quel point la discussion ne tourne même pas autour de la question médicale. On le voit. Et ça divise les familles. C'est pour ça que là... Ça, je veux dire, c'est l'affaire Dreyfus au cube, hein. Ça, je veux dire, c'est vraiment, tu parlais de coup de poker, ça, c'est le coup de poker final des Juifs. C'est-à-dire que là, ils ont divisé toutes les familles françaises. Ça, c'est absolument sidérant à voir. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu sais, c'est le, ouais. Le dessin là, oui. Qu'on a tous vu à l'école. Ils n'ont pas parlé de l'affaire Dreyfus, et après, ils ont parlé de l'affaire Dreyfus, t'as la table qui se renverse, les fourchettes qui volent dans tous les sens. Mais c'est ça! Tout le monde qui se bat, c'est ça, en fait, tu vois. Sauf que l'affaire Dreyfus, en fait, c'est une affaire qui a surtout été montée a posteriori. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un retentissement à l'époque, mais c'est devenu une affaire, mythifiée par les Juifs. On en a fait un peu. Bon, on en a déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs émissions. Oui, c'est rentré dans la mythologie républicaine. Voilà. Parce qu'en fait, la République voulait s'édifier contre l'Église catholique et le monarchisme et l'armée. Quand tu dis que c'est le clou dans le cercueil, le clou final dans le cercueil... J'espère pas. J'espère pas non plus. Mais il faut comprendre aussi que le métissage, par exemple, ça n'a pas simplement pour but de fabriquer une sous-humanité à 90 de QI qui soit suffisamment intelligente pour bosser correctement, mais pas assez intelligente pour comprendre les tenants et les aboutissants et se révolter. Mais le fait de pousser dans tous les médias les femmes blanches, notamment les blondes aux yeux bleus, avec des nègres, ou alors avec des musulmans, ça crée quoi? Ça crée aussi des fractures dans les familles, parce que les gens, au départ, ils n'en voulaient pas de tout ça. Si vous regardez les vidéos de Lina en 1960-65, tout le monde regardait les couples, les quelques couples multiraciaux qu'il y avait, avec un side glances, quoi, un regard de côté, quoi. Et ils n'en sont pas donc à leur premier coup. C'est-à-dire qu'en fait, ils font tout depuis le départ pour cliver les familles, cliver la société. Ils ont fait le coup, notamment avec le mariage aussi, hein, ou puis avec la sexualité débridée, avec le métissage aussi, et maintenant c'est avec le pass sanitaire. Oui, voilà. Et là, c'est un exemple caractéristique avec notre jeune auditeur. Les parents ont, bien sûr, souhaitent le meilleur pour leurs enfants, mais ils sont beaucoup plus sensibles, comme ils sont intégrés socialement, ils sont beaucoup plus sensibles aux pressions sociales qu'impulsent l'État et les médias. Notre jeune ami, quant à lui, bien, il se pose des questions. Et puis, bon, il est encore très jeune, donc à son âge, on forge sa personnalité. On a beaucoup de doutes. On se dit, on a confiance en ses parents, a priori. On ne pense pas qu'il. Et puis, ses parents ne lui souhaitent pas du mal, bien sûr. Mais simplement parce que ses parents voient le bénéfice à court terme de la conformité sociale. Ils sont d'accord de ne pas trop regarder les conséquences à moyen et long terme. Que ce soit des conséquences éventuellement d'ordre médical. Tu as parlé des effets secondaires, pour citer que cela, mais ensuite il peut y avoir toute la stratégie vaccinale qui peut s'effondrer sur elle-même. Ça, c'est plus ma perception du problème en ce moment. Et puis, y a ces dimensions et politiques. C'est-à-dire, quel type de société? Est-ce qu'on a envie d'être des esclaves à la botte des juifs? Donc, c'est des questions fondamentales. Alors, pour un gain minimal à court terme, même si, évidemment, ça touche à la scolarité, à la formation, je comprends. Mais là, on est à un tournant. On est à un tournant même de l'histoire de France. Hein, c'est évident. Je veux dire, il y a un avant et un après. Si les juifs parviennent à arriver à leur objectif... ce sera irréversible, donc parce que vont s'en suivre toute une série de dispositions qui actuellement ne sont pas sur la table mais qui seront mises, mais une fois qu'ils auront le bétail en main et qu'ils le tiendront d'une main de fer absolument, ça sera l'enfer sur terre, la France, ça sera l'enfer sur terre. Je veux dire, la dystopie actuelle n'est qu'une pâle version de ce qui nous attend, quoi. Donc je pense c'est pour ça que faut pas faire de compromis, c'est ça que je veux dire. Je pense pas que ce soit très sage, en fait. C'est tentant, mais pas très sage de faire un compromis maintenant en se disant oui, mais ça va s'arrêter après. En fait, c'est ça, c'est ce que dit McDavid, il dit c'est du coup de poker, mais c'est ça, c'est en fait les mecs ils arrivent en face de toi, ils disent voilà, qu'est-ce que tu fais maintenant, tout ça, et après on te laisse tranquille après. Et non, ils vous laisseront pas tranquille. Ils vous laisseront pas tranquille. C'est un coup de poker, en fait, qui est en train de se passer. Dans le sens où la fameuse stratégie vaccinale est loin d'être une bonne paire de en main, hein. C'est même une très très mauvaise main. Donc les gens commencent à se rendre compte que finalement le jeu qu'ils ont en main est nul à chier. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font un petit peu d'autorité, quoi. Donc ils bluffent, mais on sait tous très bien ici que la stratégie vaccinale qui devait nous permettre de sortir de la crise, ne nous permettra pas de sortir de la crise, parce que ce n'est pas une crise sanitaire, c'est un processus de transformation politique mis en place par une toute petite minorité. Et ces gens profitent d'un moment pour accélérer le processus, mais quoi qu'il en soit, ce serait advenu, ça aurait juste pris plus de temps. Je pense qu'on en reparlera dans l'émission, mais bon, faut quand même rappeler les choses de temps en temps. Bien sûr, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Toutefois, je pense qu'il est sage d'être extrêmement prudent. Parce que bon, bien sûr, on pourra avoir un discours catastrophique. Les gens pourraient nous dire, oui, non, mais écoutez, il y a des effets secondaires, il y a même des gens qui en meurent. Mais ce n'est pas représentatif, il y a des millions de gens qui l'ont pris, ils ne sont pas morts, ils sont en pleine santé, ils se portent bien, etc. Mais bon. Ça, déjà, bon, on l'a dit dans l'émission, c'est vérifiable, il y a pas mal de sources qui reviennent là-dessus, mais déjà, si vous voulez, en termes de critères pour le maintien sur le marché d'un vaccin, on a franchi depuis longtemps... moi, j'ai un peu l'impression de vivre Tchernobyl, si vous voulez, à une autre échelle, et notamment de temps, mais... j'ai l'impression que c'est un peu un Tchernobyl, c'est-à-dire qu'on est en train d'enfoncer tranquillement tous les paliers d'alerte en se disant « oui, mais c'est pas très grave, ça pourrait être pire ». Tu vois, je vous recommande de regarder d'ailleurs cette série, elle est pas mal faite, c'est « It's not great, not terrible ». C'est pas génial, mais c'est pas terrible non plus, tu vois. Et le problème, c'est avec une philosophie comme ça, c'est pas génial, mais c'est pas terrible. Tu peux aller dans le mur. Donc voilà. Donc je dis, soyons patients, prudents, pas de précipitation qui ne se justifie pas. Dans la classe d'âge de notre jeune ami, ça ne se justifie pas du tout médicalement. Il n'y a pas de danger imminent de mort du Covid, soyons sérieux, à ce stade. Je dis à ce stade parce qu'il se pourrait que la vaccination déclenche des vagues d'une nature peut-être vraiment différente, mais nous n'y sommes pas, donc je ne vais pas me projeter là-dedans pour le moment. Donc je dis patience, moratoire sur la vaccination, moratoire personnel sur la vaccination en 2022. On regarde comment les choses se déroulent. S'ils veulent nous rendre la vie impossible, bah, qu'ils essayent de nous rendre la vie impossible, avec des restrictions, etc., jusqu'en 2022. Ce que je sais, c'est qu'il vaut mieux être, je veux dire, vivant en 2022, en 2023, en 2030 ou en 2040, que de jouer à la roulette russe avec sa santé, en écoutant des abrutis comme Macron, parce que ça reste un exécutant, somme toute, qui ne répondront pas de leurs actes, en tout cas, sauf renversement, si jamais ça tourne mal. Prenez le cas de ce jeune homme, 22 ans, Maxime Beltra, passé par perte et profit. Hein. On en a parlé la semaine dernière. Bon, ses parents étaient, je présume, comme beaucoup de parents. C'est-à-dire, voilà, ouais, les autorités disent qu'il faut faire, on le fait, etc. Il n'y a pas vraiment de réflexion, c'est juste un suivisme comme ça, c'est l'été, le gamin voulait aller en vacances en Grèce, je crois, il faut se faire, ouais, d'accord, ok. Un petit peu comme quand vous prenez, vous avez fait la journée JAPD, là, c'est un peu ça, quoi. Et sauf que ça se termine par une mort. Ouais, alors, et ça, c'est très grave de voir que des gamins crèvent parce qu'ils veulent partir en vacances. C'est-à-dire, nos ancêtres partaient pas en vacances. Alors certes, ils allaient coloniser ou ils faisaient la guerre, hein, ou alors ils étaient enracinés dans leurs terres parce que c'était des paysans. Mais je veux dire, la beauté de la civilisation occidentale, elle n'a pas attendu l'avènement du tourisme de masse. Hein. Donc, je veux dire, la beauté de la vie, elle est pas, c'est pas de pouvoir aller se taper des putes sur un continent à 8000 km. Ou de découvrir des civilisations étrangères à 8000 km. Déjà, vous êtes dans des conditions qui sont, d'un point de vue politique, catastrophiques. Si vous voulez partir en vacances, mais putain, mais explorez la France, bordel de merde. La France est un pays de cocagne. Vous avez des paysages Côte Bretonne, vous allez à Pointe-Île de Crozon, s'il vous plaît, vous y allez pas tous ensemble parce que les touristes, hein, merci, mais vous allez sur la Pointe-Île de vous allez sur la Presqu'île de Crozon, pardon, vous avez des paysages, vous pensez vraiment être aux Caraïbes, quoi, vous avez de l'eau turquoise, vous avez de l'eau transparente, vous avez les pins, vous avez les odeurs. Qu'est-ce que vous avez besoin de prendre des vaccins pour payer un ticket d'avion pour aller au Maghreb, ou aller en Grèce, ou aller au Japon? Putain, sans déconner. En temps normal, je veux bien, mais risquer sa vie pour un putain de loisir ou des putains de 15 jours de vacances, non, c'est pas possible. Ouais, mais les gens qui l'ont fait n'ont pas conscience qu'il y avait un risque, en fait, en raison de la sous-information voulue. Hein. Mais ceux qui ont une attitude différente, une attitude plus qui prennent plus d'initiative quant à leur information, découvrent qu'il y a des vrais risques. C'est pas nous qui montons ça. Après, je ne dis pas non plus, les gars, la vaccination, du fait des simples effets secondaires, tue des centaines de milliers de gens. C'est pas ce que je dis. Mais le risque n'est pas acceptable, à mon sens. C'est ce qu'a dit McDuff. C'est, comment dirais-je, risque-bénéfice, tu regardes. Bon, non, en dessous de 40 ans, ça sert à rien. Voilà. Alors, Pfizer, lui, ça lui sert à quelque chose. Il fait des bénéfices. Ah bah t'as vu, il a augmenté ses prix de 60%. Ouais, je crois que c'était... C'est pas 40? Je sais pas. Enfin, en tout cas, il a augmenté ses chiffres. Mais et regardez surtout, et là, moi, je vous dis, méditons là-dessus, Macron, vous savez qu'il a fait... quand il était chez Rothschild, il a fait des affaires avec Pfizer. Les gens l'oublient. Quand il était chez Rothschild, c'était pas un grand banquier, parce que j'entends souvent ça, c'est un banquier. Oh là, non, c'est un communicant, en fait. Voilà. Quoi qu'on pense du métier de banquier, banquier est un véritable métier. Macron n'est pas un banquier. Il a travaillé pour Rothschild, ce qui est très différent. C'est une prostituée de Rothschild. C'est un autre métier. Exactement. C'est qui disait ça? C'est Alain Minc, Minkowski, son vrai nom. Ils ont tendance à raccourcir leur nez et leur nom. Et alors. C'est une bonne pute, il est souple, il est charmant. Et comment dire, et donc il avait négocié avec Nestlé, Pfizer, un deal pour revendre une branche, etc. Bah, il est devenu millionnaire grâce à ça. Attention, hein, il a pas gagné des centaines de millions, mais il a gratté des millions comme ça, simplement voilà, pour boire. Voilà, donc il est déjà dans la poche de Pfizer, pour ne citer que cela. Ensuite, la commande officielle par la France de milliards de doses de vaccins Pfizer. Mais vous vous rendez compte, des milliards de doses, des milliards. Oui, on parle pas de dizaines de millions, on parle bien de milliards. Milliards de doses. Qu'on a un problème d'ordre de grandeur, c'est bien des milliards. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Alors, évidemment, il compte en revendre une partie, c'est évident. C'est évident, il compte en revendre une partie en Europe et ailleurs. Mais des milliards de doses, des milliards. Les gens ne voient pas ce qui est en train de se passer. Je veux dire, nous ne sommes pas sur une question sanitaire. D'accord? C'est quelque chose qui est monté de toutes pièces. Comme Macron est chef de l'État, il peut mobiliser l'épargne des Français via l'impôt, hein, et pour faire ses affaires avec Pfizer, voilà, et en tant qu'intermédiaire, il touche. Alors, moi, j'aimerais savoir, sur chaque dose de poison de Pfizer injectée, combien touche Macron? Visiblement beaucoup, puisqu'il en a commandé pour des milliards, donc il compte toucher des royalties sur chacune d'entre elles. C'est pas possible autrement, je veux dire. Bon, ouais, bon. Oui, oui. Alors, François a sorti un article là très, très intéressant sur Pfizer et les clauses du contrat qui lie les États avec l'industrie. C'est ahurissant. C'est-à-dire qu'il y a un contrat qui a fuité, je crois, c'est l'Albanie qui l'a fait fuiter. Et si vous voulez, l'accord ne concerne pas uniquement le vaccin. C'est-à-dire que l'accord suit tout dispositif, technologie ou produit utilisé pour l'administration ou pour améliorer l'utilisation ou l'effet d'un tel vaccin. C'est dans le contrat que l'Albanie a sorti. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que la France, qui évidemment, le contrat n'est pas transparent, hein, c'est-à-dire qu'on nous injecte quand même un truc dans le corps, on n'est même pas au courant du contrat que l'État a signé avec l'entreprise. C'est juste délirant. Et il se dirait, c'est pas certain, mais je pense que c'est plus qu'hautement probable, que Pfizer a fait un énorme travail de lobbying pour tuer dans l'œuf toute possibilité de traitement par un médicament lambda qui n'existe pas ou qui serait à venir. Donc on est quand même, je suis désolé, mais dans le mafieux et dans la négociation de Youpin. Vraiment. Ah oui, oui. Je veux dire, là, j'aimerais voir le contrat Pfizer. J'aimerais savoir comment il a été signé, avec qui, dans quelles conditions. Il faudrait voir ça. Ce contrat doit être transparent. Non, mais déjà, t'imagines, ils font des contrats avec des boîtes, ils vaccinent, personne ne sait ce qu'il y a dedans, enfin, c'est délirant. Enfin, je parle pas du vaccin, je parle du contrat. C'est délirant. Enfin, bon, bref. Donc voilà, enfin, pour notre jeune auditeur, moi j'ai dit non, pas de précipitation, pas se ruer parce que les médias ont dit les médias juifs, hein, qui, comme vous le savez, sont très soucieux de notre santé. Veuillent qu'on se fasse piquer par Bourla. Non, non, non, non, non. Moratoire. Pas de raison de se précipiter, et puis aussi pour notre jeune auditeur, attention, hein, c'est bien de se projeter dans le futur, c'est important, mais faut-il encore qu'il y ait un futur dans lequel on puisse se projeter? À ce stade, ça me paraît quand même un petit peu difficile de dire voilà, dans 3 ans, etc. C'est bien d'avoir des plans, mais attention, hein, là on est sur une période avec de très fortes inconnues. Je n'irai pas m'enferrer là-dessus, encore moins chimiquement, en faisant des plans sur la comète. Hein. Voilà, je sais, je veux dire, on lâche pas la proie pour l'ombre. Hein. Voilà, moi j'ai ma santé, voilà, j'ai mon immunité naturelle, j'y tiens. Voilà, donc, je vais pas la compromettre parce que peut-être dans 3 ans, éventuellement, je ne sais pas dans 3 ans ce qui va se passer. En revanche, je sais maintenant ce qui se passe et je sais que j'ai un avantage très net à avoir un système immunitaire protégé. Qu'à avoir un système immunitaire reconfiguré par la vaccination, et une vaccination en plus qui est en train de rater, d'échouer, au moment où on parle. ne serait-ce que sur la question de la transmissibilité du virus. Ce que je rappelle, les gens l'ont oublié, mais Karine Lacombe, décorée par M. Macron, et voit autorisée de l'établissement sanitaire français, avait annoncé au mois de mai, c'est-à-dire il y a deux, trois mois, que le vaccin stopperait définitivement la transmission du Covid-19. Le vaccin préserve la transmission, nous préserve du virus, et nous préservons vaccinés ceux que nous côtoyons. Absolument. Donc c'est vraiment ça va vraiment permettre de couper la chaîne de transmission du virus. Et donc dans ce cadre-là, il faut qu'on change de paradigme, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement protéger les plus faibles, mais on va protéger même ceux qui sont les plus vecteurs de la transmission, et en particulier les adolescents. Donc on attendait les résultats des essais thérapeutiques du vaccin Pfizer qui ont été publiés et qui montrent une efficacité et une très bonne tolérance. Et donc bien sûr, il va falloir ouvrir dès 12 ans pour les 12-18 ans la vaccination. Et j'espère que ça sera le cas au plus tard à la rentrée et si possible dès cet été. Or, trois mois plus tard, les exemples sont extrêmement nombreux maintenant. On va revenir là-dessus, mais j'ai parlé de Singapour, de l'Islande, le Massachusetts aux États-Unis, où on est à 74% des cas de positifs au Covid qui sont des gens vaccinés. Bon. Voilà, ça ne prend pas du tout la direction qui avait été annoncée. Donc, un mensonge est en train d'être dévoilé. Moi, je dis simplement, ne misez pas sur le mensonge. Je veux dire, c'est toujours la même chose. Ne faites pas confiance aux menteurs. Ils vous ont menti, ils continueront de vous mentir. Et surtout, et ça, c'est relatif à ce que disait McDav sur la question du contrat, on ne connaît même pas les conditions de ce contrat. On ne sait même pas pour combien de temps est nouée cette affaire. On sait qu'il y a des milliards de doses qui sont... regardez-vous, des milliards. Mais qu'est-ce qu'on veut? On va vacciner quoi? Toute l'Afrique? Macron va vacciner toute l'Afrique? Et d'ailleurs, c'est très certainement ce qui est en jeu. Hein. Qui vaccine les Africains? Que le brave Goïm puisse payer des vaccins inutiles à des Africains, tout ça sur pour le compte... de Pfizer et des Israéliens, quoi. C'est pas étonnant. Ils vont vacciner, mais qui meurt en Afrique de ça? Ils sont jamais été aussi nombreux, chaque année ils sont encore plus nombreux. Qui meurt de ça? Personne ne meurt. Pourquoi? Pour une raison simple d'ailleurs, c'est une population très très jeune. Les jeunes ne meurent pas du Covid, voilà, c'est une bonne affaire. Donc, alors, dites-vous bien que dans le contrat là qui est sorti, hein, parce que c'est un leak, hein, c'est pas... Ouais. Enfin, on appelle ça comme on veut, un scandale, mais il est dit, l'acheteur, c'est-à-dire l'État, reconnaît que les effets à long terme et l'efficacité du vaccin ne sont actuellement pas connus et qu'il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont actuellement pas connus. C'est dans le contrat, tu vois. Donc bon, voilà, c'est clair. Ah oui, non. Mais surtout qu'en plus, s'il y a des gens qui ont des problèmes par la suite, ils pourront se retourner juridiquement contre personne. Contre l'État. Parce que c'est ça, en fait, ce qui s'est passé, il y a un deal. C'est que Pfizer, et tous les autres fournisseurs d'ailleurs, il y a Pfizer, mais il y a Moderna, il y a une décharge de responsabilité collective. Donc c'est l'État qui assume si jamais il y a des problèmes. Et vous pensez bien que les magistrats français ne vont jamais condamner l'État. Et si jamais ils le condamnaient. Enfin, je veux dire, au terme des paramètres actuels, hein, je ne parle pas si jamais il y avait un revirement complet. Hein. Même s'il le condamnait, de toute façon, l'État, c'est qui? C'est les contribuables, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va donner aux gens? Imaginez, je veux dire, s'il y a des gens qui sont estropiés à vie, sous l'effet du vaccin, etc., parce qu'il y en a qui meurent, oui, il y en a qui meurent, c'est les cas les plus spectaculaires, mais il y en a beaucoup qui restent, qui portent des séquelles. Il y en a, pas des séquelles, j'ai dit, hein, des séquelles. Et combien vont avoir des problèmes plus tard? Parce que c'est une expérimentation. Il faut bien que les gens comprennent ça. Hein. C'est un vaccin. D'abord, c'est même pas vraiment un vaccin. C'est plus un médicament qu'un vaccin d'ailleurs. Mais bon, c'est un vaccin expérimental. Il sera homologué en 2023. On n'a aucun recul là-dessus. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire la vaccination à grande échelle en pleine pandémie, est elle-même une expérimentation. Nous ne savons absolument pas où va ce truc. Donc, vous pouvez pas savoir où vous serez dans 5 ans, dans 10 ans, avec quelque chose comme ça. Si jamais vous découvrez par hasard dans 5 ans, en disant qu'il fait des conséquences de la vaccination, etc., vous allez vous retourner contre l'État. Mais l'État va vous donner quoi ? 3000 euros de dommages et intérêts ? Et encore, hein, si vous êtes... après 15 ans de poursuite, regardez ce qui s'est passé pour tous ces militaires qui ont été sciemment exposés aux essais nucléaires français, que ce soit en Polynésie ou en Algérie. Ils ont passé leur vie dans les tribunaux, ces gens-là. La plupart étaient même morts avant que les procédures se terminent. Et après des années et des années de procédures, parce que l'État, c'est ça la République, hein, la République française, c'est comme ça qu'elle remercie tous ceux qui sont assez fous pour la défendre, hein, je veux dire, ils vous laissent crever. Ça a toujours été comme ça, et singulièrement avec les militaires français. Elle les expose dans des affaires qui sont d'ailleurs très souvent à dormir debout, et les survivants, quand ils commencent à... ils les laissent crever. La République a toujours agi comme ça, toujours. Si vous prenez le cas donc des gens qui ont subi des cancers avec tous les essais nucléaires qu'il y a eu, et que vous dites, bon, ben, l'État va agir de la même façon avec les éventuelles retombées de la vaccination de masse qu'on connaît actuellement, vous êtes foutus, vous aurez rien. Pas même des excuses. Vous aurez rien. Ils vont tous se couvrir les uns les autres. Tous. Tous. Les préfets, les magistrats, les journalistes, tous, ils sont tous dans l'affaire ensemble. Vous n'avez qu'à regarder, ils sont tous ensemble là-dedans. Tous, sans exception, sénateurs. Regardez le gros Larcher. C'est lui qui va nous coûter une blinde en soins, celui-là, avec tous ces kilos en trop. Pas qu'en soins, en soins et en bouffe. Oui, en bouffe, en tout. Non, mais c'est ça. Ces gens-là, ils sont cul et chemise dans cette opération. Vous croyez que vous allez leur demander des comptes ? Sauf une révolution, vous ne leur demanderez pas de comptes. Ils seront couverts, recouverts, archi-couverts et tout. Alors évidemment, quand il y a les drames arrivent, c'est comme le père de Maxime Beltra... ils se plaignaient qu'ils avaient mis sur le marché des vaccins. Je comprends, bien sûr, quand les choses arrivent, en parlant du gros sénateur Larcher, je ne suis pas contre un dictateur hygiéniste le concernant. Il y a un avocat breton, il s'appelle Prigent, c'est un breton. Il a alpagué un mec chez CNews. Ah ben, il s'appelle Philippe Prigent, je crois. C'est un avocat, je crois. Il a pris à partie un type qui était gras, mais gonflé, quoi. Et il disait, en gros, que par rapport donc à la restriction des soins pour les personnes vaccinées, qui mettait en danger les autres. Mais l'avocat en question, il a recadré le gros. Il a dit, mais vous nous coûtez bien plus cher et vous posez un risque bien plus réel avec votre obésité qu'un gars de moins de 40 ans, en parfaite santé, qui ne se fait pas vacciner. Vous êtes un risque bien plus réel avec votre cholestérol et vos kilos en trop. Oh putain, l'autre il a dit « Non, mais je suis pas obèse, il était gros, il était gras, il était gonflé, il dégoulinait. » C'est sidérant, je veux dire. Parce que tu risques d'aller en réanimation, on va te sanctionner. Il y a des gens, par exemple, qui sont en surpoids. Bah, par exemple, mon confrère est largement en surpoids. Il cause un risque de remplir. Bah oui, je suis désolé. Non, vous causez un risque sanitaire. Vous m'avez parlé de moi que causé un risque sanitaire parce que je n'étais pas vacciné. Vous causez un risque sanitaire parce que vous êtes obèse. S'il vous plaît, du coup, je suis pas obèse, ça veut dire qu'il faut faire. Et si on le prend par là, parce que ça, l'histoire là de la restriction de l'accès aux soins, ce qui est criminel, hein, parce que ça peut virtuellement et ça va aboutir à des morts, hein, fatalement. Hein. Bon, mais vous vous rendez compte de la philosophie de ce truc ? C'est que ces gens-là partent du principe, c'est vous dire, on ne peut rentrer à l'hôpital que si on est en bonne santé. mais c'est fou. Rendez-vous compte. C'est-à-dire le risque des non-vaccinés. Mais attendez, les fumeurs. Et les gens qui boivent du rouge. Dans ce cas-là, tu sais, tu peux tout interdire, hein, y compris la viande rouge. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On interdit la consommation d'alcool. On interdit c'est vrai qu'il y a des restrictions sur la consommation de tabac, mais on n'interdit pas aux fumeurs d'avoir des soins. Donc, je veux dire, si on applique cette philosophie jusqu'au bout, mais qui va se faire soigner ? Donc voilà, on est tous censés être en bonne santé, et si on va frapper malade à la porte d'un hôpital, c'est qu'on est un bandit. Mais ces types sont tarés. Et on a trouvé un ministre de la Santé pour faire passer ça, et le revendiquer, à 5h du matin d'ailleurs, parce qu'il y a eu deux votes là-dessus. On a une ministre du Travail, donc la juive Borne maintenant, dont la fonction apparemment est de mettre au chômage les gens. Mais c'est hallucinant, je veux dire. Et oui, il y a des gens dans les rues, très bien, mais devrait y en avoir 10 fois plus. c'est ça le truc. n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. C'est de la simple logique, ce que je dis. La ministre du Travail met les gens au chômage. Le ministre de la Santé est en train d'essayer de se démener pour faire crever les cancéreux. Ou les cardiaques. Qu'est-ce qui se passe? Le pays est ensorcelé. Il y a un enchantement qui est tombé sur ce pays. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. On n'est pas dans une situation normale. Voilà. La poudre de perlimpinpin. De perlimpinpin, ouais. La poudre perlimpinpin. Ah oui. Ah oui. Non, mais bon. Non, mais voilà. Bon. Alors là, les gens sont en vacances, donc forcément. Parce que c'est ça, les gens, ils sont sur le bord de mer ou à la montagne, très bien. Je leur en veux pas. Ils ont passé une année merdique. Mais du coup, ils suivent ça de loin en loin, et puis de toute façon, ils en ont marre, donc ils veulent se vider la tête, d'accord. Bon, bah, ça va durer quelques semaines. Le mois de septembre, ça ne sera pas le mois d'août, hein, ça ne sera pas les mêmes températures. Donc bon, là, ils vont devoir quand même s'intéresser un petit peu à ce qu'on leur concocte depuis quelques mois, enfin ce gouvernement-là de mafieux. Là. Donc je pense que la température risque de monter sévèrement. Hein. On va en reparler, mais bon, voilà. Enfin bon. Sur le ce qu'on a dit à notre jeune ami, bon voilà, bon, je pense que mon propos a été entendu. Pas de plan sur la comète, on n'est pas dans une période où on fait des plans sur la comète à 4, 5 ou 6 ans, pas du tout. Et il ne faut pas compromettre son organisme avec des expérimentations juives de cette nature. Non, faut être, voilà, la santé c'est le plus important. Et comment dirais-je par rapport à ce que... Parce que c'était la réponse que sa mère lui a faite. Oui, mais ton père s'est ruiné, etc. Oui, mais pourquoi? Pourquoi il s'est cassé la santé pour son gosse? C'est pour tout hypothéquer sur une vaccination douteuse? Alors, comment dire? Le long terme est subordonné au moyen terme, qui lui-même est subordonné au court terme. On n'hypothèque pas le court terme en se disant que le long terme ira mieux. Enfin bon, c'est une simple logique. Voilà. On ne se met pas à tout risquer à court terme en espérant qu'on gagnera tout sur le long terme. C'est pas une façon de calculer qui est raisonnable. Prudence, prudence, prudence, prudence. Nous avons affaire à des gens dangereux. Quelqu'un d'autre là-dessus? Ou on passe au courrier suivant? On passe au courrier suivant. Alors messieurs, courrier numéro 2. Bon là, on va parler des manifestations en tant que telles. Témoignage très intéressant qui nous vient d'Alsace. On a beaucoup d'amis en Alsace. Alors, je le lis. Hein. Bonjour, chers démocrates. Je vous écris car je reviens d'une manifestation à Strasbourg. J'étais initialement pas très engagé à l'affaire, la considérant aussi efficace qu'un défilé de majorette avec son lot de cortèges gauchistes scandant Macron démission sur un fond de Jean-Jacques Goldman en tête. Mais quelle fut mon erreur? Je m'explique. À peine sorti du tramway à la station de tram, je vais pas donner laquelle par discrétion, je sors de mon sac une pancarte préparée à la hâte. Pancarte où l'on pouvait voir inscrit « Mais qui attend son messie après une pandémie mondiale ?» Qui? Mais qui? Je l'ai vue, elle est excellente, bravo. Hein. À l'instant même, je fus démasqué par une chère démocrate, mère de famille de trois adorables jeunes filles. S'en est suivie une rigolade en signe de reconnaissance et d'appartenance politique. Et dès le départ de la marche, cette dernière a insisté pour brandir très haut et fièrement ma pancarte en revendiquant la haine de ses empoisonneurs depuis. Cette femme est une sainte. Une conversation follement intéressante s'en est suivie autour du tant aimé tonton Adolphe et de l'Alsace antisémite, oui, région historiquement passionnante. J'y ai appris beaucoup sur ma région d'accueil. Très rapidement, il aura fallu peu de temps pour reconnaître un autre jeune démocrate au gilet jaune brandissant la même question que l'on se pose tous. Qui? Et puis, vint un autre encore. Quel ne fut pas mon bonheur de pouvoir enfin rencontrer mes semblables, des gens cultivés et sensés. Voilà une manifestation où je m'étais rendu sans grande conviction, simplement pour vérifier le taux de mobilisation avec ce mauvais temps, mais aussi pour découvrir le nombre de démocrates que je pourrais observer. Je n'ai pas été déçu. Malgré le faible nombre de pancartes qui, mais quelle joie de marcher avec de parfaits inconnus avec qui nous avions tout à dire. Enfin, de vrais nazis anonymes et fiers, brandissant le qui au milieu d'une foule ne comprenant rien. Et ce qui scande Macron démission. Bien entendu, le défilé s'est terminé en beauté, devant le palais impérial où se tenait un mariage de bougnoules avec son lot de cris de chameaux et leurs grosses cylindrées. Pas de doute, nous sommes en pays occupé. Bref, tout ça pour dire que allez en manifestation avec des pancartes, vous y retrouverez des semblables de qualité avec qui vous aurez à partager. Merci à vous DP, si j'ai pu les retrouver, c'est grâce à vous. Nous reviendrons la semaine prochaine, cette fois-ci ensemble. Si vous pouviez saluer cette maman alsacienne nationale-socialiste de 45 ans totalement dévouée à la cause et qui vous écoute depuis 7 ans, ça lui ferait plaisir. Appelez-la Eva, elle se reconnaîtra. Eh bien merci, cher auditeur, tu te reconnaîtras aussi, je pense. Bonjour amical à Eva, ça va sans dire. Alors voilà, j'ai tout de suite aimé ce courrier, car il illustre ce qui peut être fait, n'est-ce pas ? Alors, il n'est pas du tout isolé. Hein. On a comme ça beaucoup de sur le forum et de toute façon par email ou d'autres manières, on a des témoignages similaires, c'est-à-dire que les gens se reconnaissent progressivement comme ça. Donc ça c'est très très bien, évidemment avec prudence, mais bon, il y a la masse de gens, si vous voulez, dans les cortèges. Vous verrez assez vite qui est vraiment de chez nous et qui l'est pas, hein, je veux dire... des punks à chiens dégueulasses, bon voilà, ça va pas le faire. Et surtout, donc c'est cet esprit communautaire, cet esprit de rapprochement qui est important, et surtout, créer des liens dans la durée. Ça, c'est le message que je voulais vous donner à la suite de ce témoignage. Donc, quand vous vous retrouvez, suivez-vous sur Signal, l'application Signal qui permet d'échanger de manière anonyme, bien sûr, relativement anonyme, ou Session Messenger, qui fonctionne à la fois sur PC et sur smartphone. Et ça marche sur Tor, Session Messenger, c'est très simple à installer. Hein. Mais l'idée est de garder le contact. Ensuite, vous allez ensemble dans les manifestations, et puis même en dehors des manifestations, vous avez trouvé des gens qui sont de notre sensibilité. Voilà, il faut créer du lien entre nous, il faut créer cet esprit collectif, vous comprenez ? C'est ça l'objectif aussi, quoi. Alors, évidemment, il faut être dans les cortèges, et là, on va pouvoir en parler des cortèges, hein, de toute façon, pour dynamiser, pour muscler le ton, pour envoyer nos messages à nous, poser les vraies questions, pas tourner autour du pot, pas faire semblant de ne pas comprendre ce qui se passe quand tout le monde a bien compris, mais aussi de tisser des liens, de trouver des camarades de combat, et d'inscrire dans la durée ces réseaux. Parce que, et là, je parle d'expérience, en général, quand vous trouvez des gens comme ça, qui sont de notre famille de pensée, qui sont de notre milieu à nous, ces liens s'établissent dans la durée. La difficulté, c'est de se retrouver. Mais une fois qu'on s'est retrouvé, les liens durent, d'une façon ou d'une autre, ils durent. Donc, créez ces réseaux entre vous, bien sûr, avec une prudence raisonnable, mais voilà. Et allez en manifestation, regardez les démocrates. Ça peut être avec des t-shirts, je sais qu'il y en a qui font des t-shirts, hein, ils font imprimer carrément des t-shirts démocratie participative ou en avant-gardant, etc. Enfin, vous connaissez tout ça. Voilà, démarchez-les, créez des liens. Il faut qu'on ait ce rapport-là entre nous. On n'est pas une secte, hein, on n'est pas une église, hein, je veux dire, mais on a une même philosophie. Et on aborde le problème de la même façon, donc c'est très important de nouer des contacts. Vous dites pas juste salut comme ça, et vous les perdez de vue, et ensuite, non, nouer des contacts. J'insiste, nouer des contacts. Voilà. Et vous aurez des gens avec lesquels vous retrouvez, qui vont vous comprendre, parce qu'il n'y a rien de pire pour des gens de notre sensibilité que d'être isolé. D'être isolé... à râler devant sa télévision, à voir toujours les mêmes têtes de youtres déverser leur saloperie. Il faut casser la solitude, quoi. Il faut casser la solitude et créer du lien. Voilà. Donc, ça, c'est faisable, et c'est un exemple concret. Voyez, et il n'était pas convaincu, hein, notre ami. Il est allé voir en témoin. Voyez, il est allé voir en témoin. Et c'est dans très nombreuses villes. Il y a des démocrates dans tous les cortèges. Je ne dis pas que c'est la moitié des cortèges, hein, mais il y a une présence démocratique dans tous les cortèges. Sachez-le. Donc, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'il y en a. Il y en a. La question, c'est comment on peut se retrouver. Voilà. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que c'est la maman, hein, qui, complètement décomplexée, est venue saluer l'ami participatif. Hein. Elle a pas eu froid aux yeux, quoi. Elle a assumé, elle y est allée, et puis voilà, quoi. Ah, mais une mère de famille nationale socialiste. Bon, j'aime autant te dire que les femmes comme ça n'ont pas peur. Pas grand chose à prouver aux gens. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut absolument qu'on se. Ne serait-ce que pour le moral, comme tu le dis, il faut absolument qu'on échange et puis qu'on se rende compte qu'on n'est pas, les seuls. Quoi. Non et, c'est ça. Les auditeurs, vous le savez, vous êtes très très nombreux à nous écouter. Hein. Donc il y a beaucoup, beaucoup de gens, il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent. Le message passe. Vous n'êtes pas fous, vous n'êtes pas des tarés. Hein. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui sont très intelligents. Et quand on est très intelligent, on a tendance à se remettre en question et à se demander, mais est-ce que c'est pas moi le branque dans l'histoire? Non, non, c'est pas vous le branque dans l'histoire. C'est pas nous les branques. Ayez confiance. Quand vous voyez des gens, bien sûr, il faut faire attention, mais n'ayez pas peur d'aller vous saluer quand vous voyez quelqu'un qui a un t-shirt démocratie participative. Bon, c'est quand même c'est pas anodin. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas un supporter de Ségolène Royal. Donc, faut pas se pisser dessus. Faut accepter qu'il puisse y avoir une part de risque. On sait jamais, hein, peut-être des gens infiltrés, mais quand même. Il n'y a pas des masses d'antifa. Enfin, sauf dans des villes perdues comme Toulouse, hein, je veux dire. Mais ils sont pas très nombreux. De toute façon, ils sont identifiés tout de suite. Je veux dire, bon, c'est pas ça. Et puis, de toute façon, écoutez, je veux dire. Ils privent les gens de leur travail, ils privent leurs gamins de scolarité partiellement. En tout cas, ils veulent les évincer, Dixit Blanquer, c'est étonnant. J'ai parlé du ministre du Travail qui voulait foutre au chômage les gens, de Véran qui veut faire mourir les patients, mais j'ai oublié le ministre de l'Éducation qui veut priver d'éducation les élèves. C'est pas mal aussi dans le même genre. Ils ont mis les gens devant un mur. On n'a plus rien à perdre collectivement. On est rentré là-dedans, on y est. Ils ont déjà refermé la porte. Le choix est fait. Hein, je veux dire, je sais que des gens se disent, j'ai peut-être quelque chose à perdre. Ben, je vous rassure que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Ils ne vous ont pas laissé réfléchir. Donc, pas de peur excessive. Prudence, mais pas de peur excessive. Ça fait la différence, ok. Quand vous arrivez avec vos pancartes, vos slogans, vos t-shirts, vos mégaphones, que vous faites. Il y a un camarade là, j'ai oublié la ville, il m'en voudra pas. Il s'appelle Maurice. Ils étaient en train de jouer la musique yiddish pendant tout le cortège. Il était tout autour. Ça c'est marrant, mais il mettait de l'ambiance, de la musique yiddish. Ah, j'espère qu'ils avaient les papillotes et qu'ils ont fait la danse de Rabbi Jacob. Non, pas besoin de s'identifier autant, tu vois, mais mets une petite ambiance, une petite musique comme ça, et puis ensuite avec les mégaphones, allez, on gueule, des bons slogans. Amis démocrates qui m'écoutaient, pause, conseil, n'est-ce pas, conseil lecture, lisez ou relisez La psychologie des foules de Gustave Le Bon. Gustave Le Bon qui a fait honneur à la pensée française. Relisez ce concentré de sagesse et même de science, de la vraie science. Les masses suivent ceux qui s'affirment. Une masse, c'est comme dans un concert, vous pouvez le constater vous-même, ouais, c'est un troupeau, ils sont là. Et quand ils vont dans les manifs, ils sont tous d'accord, on n'est pas contents, vous voyez, mais ils ne savent pas ce qu'il faut faire ou quoi. S'il y a des meneurs qui se lèvent, qui s'affirment, avec un mégaphone, qui donnent des consignes, qui ciblent les bonnes personnes, etc., ils suivent. Ils suivent, d'accord ? C'est une école du commandement aussi, ça, les manifestations. Donc, relisez le bouquin de Gustave Le Bon. Il est disponible gratuitement en ligne, hein, en PDF, vous le trouvez tout de suite. Hein. Gustave Le Bon, Psychologie des foules. Vous le lisez bien et vous fondez votre stratégie là-dessus quand vous allez en manifestation. D'accord ? Et dites-vous bien que celui qui s'affirme, pas des nuances. Hein. Je dis, attendez, quand je dis pas de nuances, c'est raisonnable, hein, bien sûr. Quand je dis pas de nuance, c'est vous affirmer quelque chose. C'est pas peut-être, c'est vous affirmer. Et celui qui s'affirme comme ça devant la foule le suit. Donc, prenez contact. Et quand vous allez en manif, avec vos slogans, vous affirmez, mégaphone, musique, vous donnez le ton. C'est blanc ou noir. Il n'y a pas de médian. Vous n'êtes pas là pour négocier quoi que ce soit. Celui qui n'est pas content, il passe son chemin. Et c'est comme ça que ça marche avec les foules. Voilà. Voilà ce que je voulais dire en gros. Et donc, je suis très content de voir que les démocrates se retrouvent dans ces cortèges. Et une fois qu'ils se sont retrouvés, une fois qu'ils ont formé des groupes, c'est pas juste ensuite pour se retrouver, c'est ensuite pour impulser. Donc une fois que vous êtes ensemble, mettez des stratégies en place pour scander les mêmes slogans, faire les mêmes pancartes, avec vos mégaphones, mettre la même dynamique, etc. C'est pour impacter la dynamique dans les cortèges. D'accord ? C'est pas juste pour être ensemble et regarder. Vous n'êtes pas uniquement des témoins, vous êtes des acteurs. C'est ce que je veux dire. Bon, évidemment, vous allez me dire, c'est facile de donner des conseils. Mais vraiment, c'est des conseils de bon sens et vous verrez vous-même que c'est très utile. Et je l'ai vu cette semaine, hein, je veux dire... Enfin, on le voit, hein, je veux dire, les démocrates sont sur le terrain, ils ont les bons slogans. Ils ont les bons slogans. On va en reparler, mais... C'est comme ça qu'on fait la différence. Regarde, tous les juifs, ils sont en train de hurler, là. Ils sont tous en train de... Ils hurlent. On va y revenir. Alors, je vous propose, messieurs, de faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de Démocratie participative. Thank you. Nous revoici pour la deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 30. Alors, chers amis, avant de parler des manifestations en tant que telles, je voulais faire un petit point, un petit peu en mode réinformation, débunkage, hein, pour parler français, quoi. En m'arrêtant sur une petite information qui a quand même son importance. Je suis régulièrement avec vous ensemble, on suit régulièrement l'évolution de cette campagne de vaccination à grande échelle. Tous les pays ne communiquent pas nécessairement de la même manière, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on a quand même des sortes de thermomètres. Dans les émissions précédentes, on a cité le cas de Singapour et de l'Islande. J'ai aussi cité le cas du Massachusetts, où 74% des cas positifs au Covid étaient désormais trouvés chez des personnes vaccinées. Et là, voici le dernier chiffre, ça concerne Gibraltar. Alors, territoire britannique, hein, au sud de l'Espagne. Alors, voici ce que ça nous dit. Alors, Gibraltar donc, a atteint un taux de couverture vaccinale de 99% à la date du 1er juin, donc une couverture complète, quoi. Et elle connaît désormais une épidémie de cas. En effet, depuis le 1er juin, le nombre de cas recensés de Covid dans la population a augmenté de 2500%. Alors certes, ce n'est pas une très grande population, mais quand même. 2500% d'augmentation du nombre de cas pour une couverture vaccinale maximale. Donc ça corrobore hein, ce qu'on a vu dans d'autres endroits, en Asie comme je l'ai dit, en Europe du Nord, bon là c'était l'Islande, en Amérique du Nord, aux États-Unis, et là dans le sud de l'Espagne. Donc bon, vous avez compris que ce n'est pas accidentel, hein, on retrouve à peu près le même schéma, et nous allons bientôt, je crois, retrouver le même schéma en France. Je ne sais pas quelle échelle de temps, est-ce que c'est un mois ou deux mois, peut-être deux mois. Mais on pourrait bien se retrouver en France avec cette fameuse quatrième vague que nous vend Olivier Véran, mais qui n'aura pas l'aspect que l'on pourrait croire. Alors, il faut bien ici comprendre une chose, j'insiste sur ce point, hein. Il ne faut pas croire qu'on a, dans l'émission, et en tout cas en ce qui me concerne, basculé de « Ah, mais c'est qu'une grosse grippe » à « Au secours, il y a une flambée des cas, en dépit de la vaccination, on va tous mourir. » Non. Le point de mon argumentation ne repose pas sur le nombre de cas. Le point de mon argumentation repose sur l'inefficacité de la vaccination telle qu'elle nous avait été présentée. Parce qu'on nous avait dit l'inefficacité quasiment inexistante, quasiment. C'est ce qu'on nous avait dit. Hein. Or, l'inefficacité pour casser la transmission est avérée. Elle est avérée et demain, elle va être avérée en France aussi. Alors, je ne suis pas en train de dire aux gens « Ayez peur, vous allez mourir du Covid ». Non, pas actuellement. Mais, et c'est là que ça se complique, si le scénario du pire advient, c'est-à-dire que si la vaccination en pleine pandémie génère ses effets morbides, effectivement, à ce moment-là, on pourrait se retrouver dans une situation où les vaccinés, le vaccin... se retournent contre les vaccinés et servent d'accélérateur. C'est-à-dire que c'est le vaccin qui fait du virus une maladie létale. Donc c'est ce que j'ai développé dans toutes les émissions précédentes. Donc voilà. Mais ça, c'est encore de l'ordre de l'hypothèse. Alors, qui est soutenu assez brillamment par des sources que j'ai régulièrement évoquées ici. Donc, Van den Bosch notamment, mais il n'y a pas que lui. Il y a Malone aussi, inventeur donc de ce vaccin à ARN messager, hein, qui en a parlé. Il y en a d'autres, il y a d'autres sources. Hein. Donc voilà, ça c'est l'hypothèse, c'est l'épée de Damoclès au-dessus de la tête d'un peu tout le monde, enfin de tous les vaccinés, mais aussi de certains non-vaccinés d'ailleurs. Mais on n'y est pas. Donc pour le moment, ce qui est en train de s'écrouler, c'est le mythe du vaccin comme rempart à la transmission du virus. Évidemment, ce n'est pas une surprise pour ceux qui l'ont conçu, puisqu'il n'a jamais été conçu pour empêcher cette transmission, contrairement à tout ce qu'on a dit. Bon, voilà. Alors, donc, le cas de Gibraltar l'illustre, hein, une nouvelle fois. Alors, ce que va faire probablement le pouvoir en France, et Véran en particulier, c'est qu'ils vont dire « Ah bah oui, effectivement, le virus se transmet, quatrième vague, c'est difficile, mais voilà, c'est bien la preuve qu'il faut se faire vacciner. » Donc on va se retrouver dans cette situation complètement aberrante, où le vaccin ne stoppe pas le nombre de cas. Alors je ne parle pas de la gravité des symptômes, parce que ça c'est une non-question, mais je passe là-dessus. Je parle bien de la transmission, et ils vont dire « Ah oui, oui, bah oui, on a toujours su que c'était comme ça, etc. C'est raison de plus pour se faire vacciner. » Mais ce n'est pas vrai, rappelez-vous et reportez-vous à la presse ce qu'elle disait sur le sujet quand on posait la question « Est-ce que le vaccin empêche la transmission ?» Il disait « Oui, à 95%. » On n'est plus à 95%, ni à Gibraltar, ni en Islande, ni en Amérique du Nord, ni à Singapour, ni ailleurs. Hein. Donc, ils vont vite oublier ça en France, les autorités vont vite oublier ça, ils vont dire « Au secours, quatrième vague, vaccinez-vous vite avec un vaccin qui ne sert à rien. » Bon, en gros, hein, c'est ce qui va se passer. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. On peut aussi élargir un petit peu le débat hein, à propos de la vaccination juste en ce moment. Fulbert, peut-être toi en Belgique, tu as peut-être des news. Je ne sais pas où ils en sont au niveau de vos autorités. Ou, enfin, peu importe si vous avez quelque chose à dire sur cette campagne de vaccination, là où on en est. Véran a dit qu'on est à 45 millions de vaccinés en France. Donc après avoir traumatisé les gens là depuis le 14 juillet, en 15 jours, quoi, Macron a fait peur. Il a fait peur à tout le monde. Il a dit... Vous n'aurez plus de boulot, plus de... C'est vrai. Voilà. Bon, 45 millions, ça fait qu'il reste 22 millions de personnes non vaccinées. Moi, j'ai dit 10 millions, c'est le socle intéressant hein, pour résister. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, je n'ai rien de particulier à dire, sauf de confirmer ce que j'avais déjà dit dans une émission précédente. En Belgique, l'autorité ne bouge pas d'un iota, pas d'un poil. Et pour moi, je suis de plus en plus convaincu qu'ils observent ce qu'il se passe en France et ils attendent de voir. Ils sont prudents. Ouais, ce qui se passe en France en termes de mobilisation, je pense qu'on est sur 600 000 manifestants hein, ce week-end, hein. Un 7 août. Il faut méditer là-dessus quand même. Hein. On n'est pas en septembre, on n'est pas en octobre. Hein. On est un 7 août, il y a environ 600 000 personnes dans les rues. Hein. 230 000 ou 240 000 selon le gouvernement français, mais non, non. Et s'il n'y avait que 200 000 personnes dans les rues, ça n'aurait pas l'impact psychologique dont tu parles sur ton gouvernement à toi, cher Fulbert, en Belgique. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le tien, mais en tout cas celui que tu subis. Absolument, absolument. Mais il y a quelque chose que les gens ont pu observer, certainement. C'est que à partir du moment où il y a des mouvements de foule en France, manifestations, on l'a vu avec les Gilets jaunes, le mouvement a démarré en France et il s'est facilement étendu aux pays, à certains pays voisins comme l'Allemagne, en tout cas l'Allemagne partie sud-ouest, je vais dire, et en Belgique. Et je pense que les dirigeants belges en ont parfaitement conscience. Et que s'ils découvrent leur batterie maintenant, bien que les manifestations que l'on voit en France maintenant vont s'étendre à la Belgique. Ils le savent. C'est ça qui les amène à pas bouger, naturellement. En Belgique, il n'y a pas aussi l'équation des nationalistes flamands qui ont adopté une position assez dure contre la vaccination de masse ? Les nationalistes flamands, je ne vais pas en dire du mal, mais... Je voulais savoir, hein, je pose la question, j'avais cru comprendre, mais je peux me tromper, peut-être que c'est une mauvaise information, que par exemple le Vlaams Belang avait, c'était pas le cas, s'était opposé, en tout cas, à toute une série de... Enfin, avait été une sorte de voix s'opposant un peu au consensus sur la question sanitaire, mais c'est peut-être pas le cas. Hein. Je dois dire que je n'ai pas suivi leur déclaration de près, loin de là. Non, je dis ça, pourquoi, parce que, pourquoi je te pose la question ? C'est parce que si ça venait à mal tourner, comme en France, le pouvoir central peut redouter de voir des nationalistes flamands qui auraient dès le départ contesté prendre de plus en plus de poids face à cette question. Si jamais ils vont trop loin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'ils donneraient des cartouches aux nationalistes flamands pour tirer sur le pouvoir central. Ça peut aussi, ça pourrait expliquer, mais là c'est juste une hypothèse de ma part. J'avais cru comprendre qu'il y avait une forme de contestation du discours officiel, mais je peux me gourer. Hein. Je ne sais pas. En fait, je vais te dire, il s'est passé quelque chose en Belgique. A priori, ce que je vais vous dire ne semble pas avoir de lien direct avec ce qui se passe en France. Cependant, c'est ceci, c'est que il y a eu une grosse déclaration du président de la NVA, Bardewever, qui en plein ici, il y a pas longtemps, il y a quelques jours, donc en plein au moment des manifestations françaises, qui a dit, qui a menacé. Ou qui a suggéré, donc en menaçant l'État central, d'une séparation, ben c'est toujours le même truc, hein, d'une séparation et d'un rattachement de la Flandre aux Pays-Bas. Alors que, pour que tout le monde comprenne bien, les Flamands et les gens des Pays-Bas, les Néerlandais, ne peuvent pas se souffrir, faut le savoir. Bon. Alors, c'est assez curieux. On dirait que le type a mis quelque chose en place pour peut-être détourner l'attention d'une situation sanitaire qui pourrait être explosive à terme. Je ne sais pas, alors, j'ai très difficile à comprendre pourquoi il a sorti ça. Mais ça sort au moment où les manifestations battent leur plein en France. Ben, c'est d'autant plus bizarre que les Pays-Bas sont... Enfin, ils sont à fond dans la tyrannie sanitaire. Hein. Je veux dire, ils votent des lois complètement délirantes. Enfin, c'est pas très éloigné de la France. Hein, je veux dire, là, peut-être. Je sais que le fou là, comment il s'appelle là, je crois que c'est Rutte. Ouais, lui, il est allumé. Enfin, c'est un allumé. Hein, enfin, il est fou. Il attaque les Hongrois, les Polonais. Il est fou, allié. Et c'est un Macron néerlandais. Oui, c'est ça, voilà, totalement, exactement, c'est un Macron néerlandais, donc je vois pas ce que des nationalistes flamands, bon là tu parles de Bardewever, donc c'est pas les durs de durs, hein. c'est plutôt le centre-droit, ou la droite, mais je vois pas qu'est-ce qui vient, parce qu'en plus, ça n'a jamais été une revendication des nationalistes flamands, enfin il y a pu avoir certains nationalistes flamands qui ont pu tenir ça, mais c'est pas l'objectif historique du nationalisme flamand qui a toujours été de créer une Flandre indépendante. Donc je vois pas qu'est-ce qui vient sortir un truc comme ça pour se jeter dans les bras d'un Macron néerlandais qui est en train de faire les saloperies que Macron fait en France. Je comprends pas du tout c'est dur de s'exprimer là-dessus, mais j'aurais tendance à voir là-dedans une espèce d'effectivement de leurre en fait. Je ne comprends pas non plus, je l'ai dit, ça me dépasse totalement. Ah, moi, je ne serais pas étonné qu'ils cherchent à essayer de se remplumer pour contenir un peu les nationalistes flamands, mais là, ça bizarre. Enfin bon, d'accord. Bon, donc, en Belgique, wait and see, quoi. Ça scrute ce qui se passe en France. J'ai vu, alors en Suisse, là, je passe là-dessus, mais on a des amis suisses qui nous écoutent, hein, bien sûr, qui participent au forum aussi, qui nous envoient des nouvelles de leur pays, toujours très intéressant. Moi, je les suis avec grand intérêt. Et apparemment, alors, c'est par canton, parce que ça, c'est le truc intéressant. Regardez, aux États-Unis, c'est la même chose. Les systèmes fédéraux, c'est moins vrai en Allemagne, d'ailleurs. Parce que finalement, en Allemagne, le système est fédéral, mais finalement, il n'est pas tellement fédéral. Mais en Suisse, c'est le système est conçu, en fait, pour que personne n'ait vraiment l'ascendant sur l'autre. Donc il y a plein de cantons, tout ça, et ils ont des lois un peu à eux, mais il y avait d'après un démocrate suisse, il y avait une espèce d'escroc de la politique qui était un élu et qui voulait qui a fait des propositions délirantes, mais je veux dire du calibre français, quoi, pour mettre en tout cas son canton, voire au-delà, mais au moins son canton en coupe réglée, pareil, hein, les licenciements, tout ça, quoi. Donc, ces gens-là discutent entre eux. Tout ce beau monde discute entre soi. Macron, là, il est en train de réaliser une grande opération. Et de ce point de vue-là, ce qu'il tente, à mon avis, fait saliver quelques apprentis tyrans à l'étranger. Hein. Ça fait saliver quelques tyrans. Alors, ça passe ou ça casse. S'il réussit, Macron, il va faire l'admiration de tous les apprentis tyrans d'Europe occidentale, voire d'Amérique. Biden, il va lui dire, oh là là, voyons, Emmanuel, extraordinaire, tu peux me filer quelques conseils là. Bon, et ça va être très compliqué aux États-Unis parce que c'est fédéral, donc il y a des États qui résistent, la Floride, etc. Mais Macron, c'est ce qu'il est en train de faire, d'ailleurs, de l'art de devenir un tyran. Et tous ceux qui veulent devenir chez eux de petits tyrans, regardent ce que fait Macron. Voilà ce qui se passe, imaginez. Macron, un tyran, il n'a même pas l'épaisseur du tyran en plus, parce qu'il est. C'est un personnage ridicule, Macron. Il n'a pas la. Il ne peut pas être un tyran, réellement. Il a pas ce qu'il faut. Vous voyez ? Mais il essaye, vous voyez ? C'est comme si un garçon coiffeur essayait de devenir tyran. À peu près de ce calibre, quoi. Voilà. Mais ça intéresse tous ces comparses-là, libéraux. D'Europe, libéral, tout le monde se comprend ce que ça veut dire ici dans le contexte. Hein. Libéral tel que défini par ces gens-là. Hein. Pas le libéralisme historique orthodoxe, style Bastia, etc. La façon dont ces gens se définissent. Quoi. Bon, bref, des socialistes. Quoi. Quelqu'un d'autre là-dessus donc en Suisse, ça fait. Ouais. Si Macron passe, hein, si Macron passe avec son passe, tout le monde trépasse. C'est ce qui va se passer. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'ils mettront ça, hein, ils mettront ça un petit peu partout en vigueur. Quoi. En Allemagne, je crois que ça y est, hein, ça discute aussi sévère pour plus ou moins faire pareil. Quoi. C'est la ségrégation des non-vaccinés. Ouais. Alors, Alexis nous rejoint. Oui, j'ai vu également qu'en Allemagne, selon des médias très... très doté, très officiel, eh bien on discute sec quant à l'introduction d'une discrimination, que les gens qui ne sont pas vaccinés Covid-19 ne puissent pas rentrer dans certains magasins et autres restaurants et autres bars. Et un modèle assez proche du modèle français. Non, en même temps, en Allemagne, ils ont l'habitude de ce modèle-là. Hein, je veux dire. Bon, quand c'était appliqué aux véritables personnes porteuses de virus, d'espia. Mais c'est une autre époque, un autre siècle. Mais ça me fait marrer dans le contexte allemand, eux qui nous cassent les couilles avec la Constitution, machin. Parce que c'est en Allemagne, les gens ne comprennent pas forcément ça en France, parce que l'histoire n'est pas tout à fait la même, mais on les a... les Allemands ont eu le cerveau lavé par la dénazification, qui n'était pas en fait exclusivement une dénazification, c'était une dénationalisation. Alors c'est difficile à comprendre pour un Français, mais l'Allemagne a été radicalement et totalement dénationalisée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de sentiment national allemand qui ne soit pas conditionné par tout un exercice de contrition, de machin. Donc, ils ont un rapport à leur être collectif national pratiquement impossible. Et tout ça est scellé par la Constitution, qui sert en fait de pseudo-conscience nationale. C'est-à-dire qu'en fait, parce que normalement, le nationalisme allemand, c'est l'ethnie allemande, c'est la grande famille du peuple allemand, qui n'est pas une chose légale en soi. C'est un fait culturel, si on veut. Voilà. Alors les Français, bien sûr, ils disent... ça ne fonctionne pas pareil en France, puisqu'en France, c'est l'État qui a fait la nation, alors qu'en Allemagne, c'est le peuple allemand qui a fait l'État. C'est exactement l'inverse. Donc les deux nationalismes sont d'ailleurs distincts à cet égard. Et la dénazification, qui en fait était une dénationalisation, a consisté à casser le processus national allemand. Et pour le graver dans le marbre, on leur a filé à la place une espèce de fétichisme constitutionnaliste, un peu à l'américaine, qui consiste à, voilà, la Constitution, la Constitution, la Constitution. Et ça me fait marrer de voir que les Allemands qui... parce que pour un oui ou pour un non, les autorités font chier les nationalistes allemands au nom de la Constitution. On leur dit non, mais vous pouvez pas faire ça, la Constitution, etc. Et même, je crois qu'ils ont une unité spéciale, enfin bon, une police politique, quoi, qui s'appelle officiellement le truc de protection de la Constitution. Enfin, ouais. Et ça me fait rire, parce qu'ils sont en train de mettre en place un système objectif, je veux dire, de ségrégation de la population. Et visiblement, c'est constitutionnel. Donc, comme quoi, on en fait ce qu'on veut, quoi, des grands mots. On en fait ce qu'on veut. Quoi. Alors, Alexis, toi qui peut-être as un avis là-dessus, qu'est-ce que tu en penses de ça, justement, dans le contexte allemand? Oui, Bah oui, il y a l'aspect constitutionnel, la dite protection de la Constitution, Verfassungsschutz, qui est importante en Allemagne, qui s'est étendue aussi à l'Allemagne de l'Est quand elle s'est réintégrée après 90. Oui, tout à fait. Alors par contre, c'est vrai que les Allemands, quand on leur impose des choses, du coup, il y a ça fait-il, disent, ah oui, mais attendez, on nous impose des choses, ça nous rappelle une certaine histoire qu'il faut combattre, etc. Donc leurs réflexes sont des réflexes antifascistes pour souvent. Mais paradoxalement, ça peut nous servir dans cette période actuelle parce que, voilà, par exemple, on parle de la rationalité allemande, du rationalisme allemand, mais en Allemagne, vous avez aussi, par exemple, pour revenir au médical, quelqu'un comme Rudolf Steiner, qui est très en vogue, il y a les écoles Steiner. Steiner, c'était un anthroposophe, donc c'était quelqu'un un petit peu de mystique, ésotérique, qui a écrit sur la race aussi, sur l'éducation, sur les plantes, sur tout un tas de choses qui ne sont pas toujours considérées comme. Cartésienne, comme on dit aujourd'hui, à tort ou à raison. Enfin bon. Et il y a pas mal de, il y a des médecins qui sont estampillés Steiner. Donc là, eux, par exemple, sont assez sur les questions vaccinales, etc. Sont assez, ils sont pour la liberté de choix. Et donc, curieusement, je pense que finalement, ce réflexe antifasciste peut nous aider. Oui, il y a un retournement historique là. Le réflexe antifasciste, c'est-à-dire anti-autoritaire, dans le contexte. Anti-verticalité, quoi, de la base pourrait avoir son utilité, effectivement. Oui, c'est pas faux, hein. C'est bizarre, hein, on se retrouve dans des positions un peu étranges. Moi, je suis pas du tout démocrate. Mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est vrai qu'on vit une époque bizarre. Les clivages éclatent, là, hein. Les clivages éclatent, je le constate, on le constate tous, je pense. Vous pouvez pas dire c'est une question de droite ou de gauche. Le clivage droite-gauche est en train de crever, hein, de toute façon. Bon, mais c'est pas un clivage droite-gauche. C'est typiquement la question qui divise les familles. On en a parlé dans la première partie. Ça divise les familles politiques, les familles de pensée. Hein, on le constate. Et je dis, c'est la giga affaire Dreyfus. C'est la giga affaire Dreyfus. C'est le coup de poker final des Juifs. C'est vraiment, c'est-à-dire, s'il gagne, il rafle tout. Il rafle tout. On aura un veau d'or qui sera, donc ils auront, pour alors, ils auront fait raser Notre-Dame, ils auront prétexté comment dirais-je, une fragilisation de la structure, et puis un effondrement. Ils passeront un énorme veau d'or frappé d'une étoile de David. Vous voyez, et le peuple républicain sera, évidemment, donc métissé, espèce de nouveau Brésil, là, et on sera tous à genoux devant le veau d'or. Ça, c'est s'il gagne. Bon, s'il gagne pas, c'est le gigapogrom. C'est sérieux. Hein. C'est, à mon avis, c'est à peu près. Mais pour qu'ils aillent aussi loin, c'est ça, quoi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et alors, du coup, je parlais de l'éclatement des familles et des désaccords et tout, mais c'est difficile. Hein. Moi, je connais des proches, j'ai des proches personnellement, hein, bien sûr, comme tout le monde, qui sont vaccinés. Je leur fais pas la leçon parce que. Ça sert à rien, ils sont vaccinés, donc qu'est-ce que vous voulez faire? On ne se dévaccine pas, vous voyez. Donc ça sert à rien. Mais ils ne sont pas enthousiastes. Vous voyez, il y a une personne très proche avec laquelle, je ne veux pas donner son identité, ça sert à rien, mais avec laquelle je m'entretiens, bien sûr, normal, hein, des liens personnels, quoi. J'avais averti cette personne de ne pas se faire vacciner pour des raisons... médical, à mon sens, qui était de bon sens. Et la personne s'est fait vacciner quand même, bon. Mais j'ai été frappé de voir que quand elle m'a dit je me suis fait vacciner, pour se justifier, c'était pas la question sanitaire qui est venue sur la table. Elle m'a dit oui, mais. En gros, elle m'a cité toutes les restrictions, etc. Elle m'a dit c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça, etc. Donc, en fait, s'est fait vacciner parce qu'il fallait le faire parce que l'État l'impose. C'est pas du tout, ah oui, je me sens en danger, j'ai besoin de me faire vacciner pour ma santé. Vous voyez? Et ça crée des malaises dans les familles. Bon, mais moi, il faut bien voir ça. Hein. Enfin, bon, sauf si on se fait agresser par un vacciné, quoi. Si un vacciné fou qui vous agresse, comme s'il avait traversé la mer Rouge et faisait partie du peuple élu, je veux dire. Bon, mais en général, ils sont quand même pas très, très, très sûrs de leur coup. Hein. Je l'ai observé. Moi, je pense qu'il ne faut pas accabler les gens vaccinés. C'est d'abord parce qu'on ne peut pas le défaire, et ensuite, ça ne sert à rien, je veux dire. Par contre, il ne faut pas démordre de ses positions. Mais c'est sûr qu'ils ont foutu le bordel à tous les niveaux avec ça. Oui, Alexis avait dit que les véritables criminels n'étaient pas dans les prisons, mais au fait de la société libérale, dit-il à l'époque. Bon, il y a plusieurs définitions du libéralisme. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça a certains sens. Hein. Quand on regarde la clique des Véran, Buzyn, Macron, Castex, là, ça relève de la criminalité, de la haute trahison, hein, c'est clair. Ouais, j'ai parlé de mafia en première partie, mais c'est exactement ça. Oui, c'est on est là-dedans. Donc voilà, donc en Allemagne, tu nous dis ça, on va copier la France. C'est marrant comme la France a une tendance à ne jamais inspirer positivement. Bon, alors peut-être avec les manifestations, on va inspirer enfin positivement les autres. Espérons quoi, parce que si c'est le modèle Macron qui s'exporte et pas le modèle de la contestation, ce serait quand même dommage. Mais non, mais Macron, de toute façon, Macron est depuis le début un aspirant à la tyrannie. Hein. On le savait. On le savait, mais je trouve que cet homme est encore une fois, à titre personnel, est trop médiocre pour être un tyran. Un vrai tyran. Là, c'est Macronus, le petit tyran. Et tout petit, hein. Tout petit. Enfin bref, donc Gibraltar, hein, voilà, encore de l'eau à notre moulin sur l'arnaque vaccinale. Alors, on va aller vers chez toi en Belgique, toujours pour démonter un peu le discours officiel sur tout ce qui se fait, parce que quand vous écoutez les médias français, c'est miraculeux. Hein, Macron touche les gens et ils guérissent. Mais c'est ça, mais on en est là en France. Hein. Le roi thaumaturge. Ah, mais on est là-dedans, je suis désolé. Les rois de France ont peut-être guéri des lépreux, je voudrais même le croire. Hein. Mais alors, Macron n'a certainement guéri aucun covidiste, ça c'est sûr aussi. Alors, on va aller en Belgique, où la pochette surprise du Covid a encore produit un de ces miracles. Écoutez ça, c'est intéressant. Vers chez toi, Fulbert. Sept résidents d'une maison de repos située, maison de repos, maison de retraite, quoi, pour les personnes âgées généralement, située à Zaventem, au nord-est de Bruxelles, en Belgique, sont décédés après avoir été infectés par un nouveau variant du Covid-19. Ce dernier, dit colombien, donc en fait c'est le variant colombien, est encore très peu présent dans le pays. Nous savons que ce nouveau variant est en Belgique depuis la fin du mois de juin, donc c'est très récent, hein, mais en très faible pourcentage, a expliqué le virologue Mark Van Ranst, ton ami Fulbert, celui qui préface les ouvrages du Parti du Travail, parti marxiste-léniniste orthodoxe. Donc auprès du quotidien belge francophone La Libre, donc La Libre Belgique, La Libre. D'après une enquête menée au Royaume-Uni, il ne serait pas plus transmissible que ceux déjà connus. Dès sa première détection le 16 juillet, les résidents ainsi que le personnel soignant avaient été mis en quarantaine et des mesures sanitaires ont été mises en place pour limiter la propagation de ce nouveau variant. Bien. Les infections sont restées limitées à ce service destiné aux patients atteints de démence, donc visiblement des gens plutôt très âgés, type Alzheimer, quoi. En tout, 20 personnes ont été contaminées et 7 d'entre elles sont décédées en l'espace de 2 semaines. Leur état de santé était assez varié. Certains avaient déjà été gravement malades, d'autres se portaient relativement bien. L'ensemble du personnel soignant ainsi que les 20 patients infectés avaient été vaccinés à l'exception d'un étudiant. Nous n'avons aucune idée de comment le virus a pénétré le service, précise la chef des soins et des ressources humaines de l'établissement, Kathleen Boydens, je pense, à la Libre. Je parle sous ton autorité, Fulbert, corrige mon très mauvais néerlandais. Non, c'est bon. Ouais. 20 foyers de contamination du variant dit colombien ont d'ores et déjà été détectés en Belgique et font l'objet d'un suivi minutieux. Du côté des maisons de repos, ou des maisons de retraite si vous préférez, 9 foyers ont été détectés en Flandre, dont 4 avec plus de 5 résidents infectés, décrit Ria van der Rett, la porte-parole de l'agence flamande des soins de santé. Ce qui inquiète le plus les professionnels de santé et les épidémiologistes, c'est que toutes les personnes décédées étaient vaccinées et qu'on ne connaît que très peu la nouvelle souche B1.621 détectée pour la première fois en Colombie en janvier 2021. Le flou persiste autour de cette contagion, mais l'agence flamande des soins de santé tente d'éclaircir la situation. Un visiteur asymptomatique serait à l'origine de ce nouveau foyer de contamination. Selon la porte-parole, la personne avait visité la maison de soins quelques jours avant d'effectuer un test positif. La première contamination, le contact du visiteur, est survenue lors de la première moitié du mois de juillet, poursuit-elle sur La Libre. Les contacts à haut risque du premier résident infecté ont été immédiatement placés en quarantaine et testés. Le département touché accueille des personnes atteintes d'émence, ce qui rend difficile la mise en quarantaine. Lorsqu'il est apparu qu'il y avait plusieurs contaminations, l'établissement a généralisé les tests et l'isolement. Tout ça pour vous dire, parce que vous allez dire, mais pourquoi parler de ça? Alors d'une, Gibraltar, donc flambée des cas. Alors, pas de mort, hein. Les cas graves ne sont pas présents, c'est ce qu'on en a parlé. Bon. Mais transmission maximale, il n'y a pas de problème, le virus circule à fond, avec la possibilité de résistance au vaccin qui va inévitablement advenir, et contre lesquels même les autorités américaines ont mis en garde la semaine dernière. Et maintenant, on a des variants bizarroïdes qui arrivent d'Amérique du Sud, qui contaminent des maisons de retraite, on ne sait même pas comment ou quoi, et on nous dit, voilà, on en a repéré dans les maisons de repos. Bon, évidemment, si on les a repérés dans les maisons de repos, vous imaginez bien qu'ils circulent déjà dans les rues. Donc, nous avons des variants qui se transmettent tranquillement, sans aucune difficulté malgré la vaccination, et même qui tuent des personnes âgées. Donc on revient à la situation antérieure, pré-vaccinale, où des personnes, alors certes âgées, hein, attention, hein, âgées avec beaucoup de comorbidités, vous connaissez tout ça, mais qui meurent. Alors expliquez-moi, en théorie, quelle est qualitativement la différence avec la situation pré-vaccinale d'il y a un an. Laquelle? Ils vont proroger encore le cirque. C'est évident. Parce que les variants, ces nouveaux variants vont progressivement conquérir l'espace vide. C'est fatal, ça. Quelqu'un veut réagir là-dessus? Ben oui. Ben, je n'ai pas suivi l'affaire de tout près, mais j'ai l'occasion de voir un article qui est passé dans la presse belge qui parlait d'une personne qui était soupçonnée, vous m'entendez, hein, d'être à la source, d'être le vecteur, en fait, de la contamination dans cette maison de retraite. Et l'article que j'ai vu disait que la personne en question qui avait été identifiée, en fait, n'était pas, elle était en quelque sorte blanchie, je veux dire, c'est plus les termes employés. Donc, j'imagine, on ne disait pas pourquoi, mais j'imagine que cette personne a été testée et qu'elle a été testée négative, donc elle n'était pas porteuse. Alors, fatalement, il va falloir trouver quelqu'un ou une quelconque explication, parce que s'il n'y avait pas de porteur, de vecteur contaminant, eh bien, ça voudrait dire que peut-être, quelque part, les personnes âgées, l'une d'entre elles a eu son, comment dirais-je, son fusible qui a pété, et elle a transmis le microbe aux autres qui n'ont pas résisté. Je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse, mais bon, elle n'est pas plus mauvaise qu'une autre. J'ai expliqué à un tout... Ce qui pourrait se passer, et c'est pas moi, parce que je suis pas épidémiologiste, bien sûr, j'ai pas de prétention scientifique, c'est pas ma formation en plus. Mais j'arrive à assimiler assez bien, et Geert van den Bosch, et j'ai raison de le citer parce que ça se passe en Belgique, grosso modo a annoncé tout ça. Hein. Et alors, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est des phénomènes de concurrence entre variants, c'est-à-dire l'avantage compétitif. Au bout d'un moment, un variant, quand il vient généralisé partout, en fait, quand il atteint un stade monopolistique, en fait, il est concurrencé par des variants qui ont quelque chose en plus pour conquérir les parts de marché qu'il occupe déjà. C'est vraiment comme les entreprises. Hein. C'est-à-dire que vous avez une entreprise, voilà, elle a un monopole apparent, vous dites, bon, bah, la monopole maintenant, elle aura un monopole pour 100 ans. Ce n'est pas du tout le cas. Vous allez avoir une petite start-up qui va arriver, mais qui a une excellente formule, avec un véritable avantage, et qui va s'emparer de tout le marché très très vite. C'est ça le danger des variants, entre guillemets. Maintenant, la question, c'est l'origine des variants. Ils peuvent être naturels, bien sûr, hein, c'est les virus mutent, hein, bien sûr, mais on peut aussi les aider. On peut aussi les aider, hein. Je veux dire, on a des variants colombiens qui apparaissent en Belgique, personne ne sait. Il y a quelques cas, comme ça. Bon. Ça ne veut pas dire que ce variant va se généraliser, parce qu'il y a une très forte concurrence entre variants. Et il y a beaucoup d'obstacles pour un variant pour parvenir à devenir dominant. Mais avec tous ces variants, il faut comprendre que la vaccination ne peut pas réussir. La vaccination réussit contre un virus, pas plusieurs virus, pas une famille de virus en fait. Voilà, c'est donc. Et je pense que c'est voulu, je vous le dis, je pense que c'est voulu dès le départ. On en avait parlé la semaine dernière, je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà. Bon, voilà, c'est le Colombien. Alors, le Colombien, ce qu'on sait du Colombien, c'est ce que j'ai lu dans la presse anglo-saxonne, il résiste beaucoup mieux au vaccin. Il montre des signes de résistance au vaccin. De toute façon, ça va arriver, sachez-le. Hein. Et quand nous aurons une combinaison, parce que ça, c'est ce qui va se produire, normalement, c'est ce qui va se produire. Les épidémiologistes le disent. C'est pas médiatisé, mais c'est ce qu'ils disent. Normalement, les variants vont se combiner. Vous allez avoir un variant, je ne sais pas lequel, bêta, alpha, peu importe, il va se combiner avec un autre. Et ça va contourner toute la vaccination. Il sera infectieux et potentiellement, pas nécessairement systématiquement, mais potentiellement un peu plus létal. Mais il n'a même pas besoin, à la limite, d'être beaucoup plus létal pour faire de la casse s'il contourne la vaccination. Hein. Parce que là, la vaccination se retourne contre les vaccinés. Et sert en fait d'accélérateur en fait à une flambée pandémique, à une vraie flambée pandémique. Ce qui est tout le danger, c'est ce qui est pointé du doigt par Malone ou Van den Bosch, etc. C'est dans ce contexte-là qu'ils remettent en cause la stratégie vaccinale. Voilà. Bon, bref. Bon, on verra bien. En tout cas, la paix n'est pas pour tout de suite. Donc la vie d'avant n'est pas pour tout de suite, sachez-le. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose là-dessus, soit sur ce variant-là, les autres variants, la quatrième vague qui arrive, on est tous vaccinés, mais bon, il y en a quand même une quatrième. Bon. Le cirque, quoi, enfin le cirque qu'ils alimentent, quoi. Non, pas spécialement. D'accord. Alors, on va parler un peu des manifs maintenant. Alors messieurs, les manifestations, une nouvelle fois, 7 août, il y avait plus de monde, donc c'est allé crescendo, on aurait pu s'attendre finalement à une petite baisse, ou un phénomène de plateau, ça n'a pas été observé, ce serait d'ailleurs compréhensible, hein, compte tenu de ce qui se passe, on peut ne pas écarter un phénomène de plateau, pendant 2 semaines hein, en France, mais je pense qu'on est sur une logique de plus long terme. Hein, beaucoup de choses vont se passer en septembre, à mon sens, quand les gens vont revenir de vacances et qu'ils vont prendre connaissance en fait des nouvelles restrictions, qu'ils vont les vivre, parce que c'est pas la même chose de les apprendre dans la presse ou la radio ou la télévision et de les vivre au quotidien un 15 septembre, hein, c'est pas tout à fait pareil. Mais il y avait une bonne mobilisation. Bon, moi, je l'estime à 600 000 à peu près. Certains me reprendront peut-être, je ne sais pas. L'ambiance était très très bonne. Florian Philippot a beaucoup mobilisé à Paris. Il n'y a pas que Paris. C'est ça qui est bien d'ailleurs, hein, c'est vraiment impressionnant. C'est généralisé. On est vraiment dans la phase numéro 2 des Gilets jaunes. Hein. C'est flagrant, quoi. Je veux dire, c'est vraiment dans toutes les villes. C'est pas du tout. C'est pas centré sur Paris, quoi. C'est des manifestations généralisées. Mais il y a peut-être certaines réserves. Quant à la forme, peut-être Captain America, tu peux me parler de l'ambiance un petit peu par chez toi. Il y avait des trucs que tu voulais me dire, des petites anecdotes sympas, mais qui m'intéressaient. Je trouvais ça peut-être marrant à partager avec nos amis auditeurs. Ouais, alors moi j'ai fait plusieurs manifs, hein, je suis pas resté que dans mon coin de France. Et il y a des ressemblances un peu partout. Il y a pas mal de normies. Il y a pas mal de manifestants qui sont des habitués hein, de la manifestation. On a tout le cortège, bien sûr, de mecs CGT, Sud, FNSU, doublés d'Antifa. Alors, la plupart du temps, ils ont quand même l'intelligence, lorsqu'ils marchent, de ne pas scander de propos qui pourraient être divisifs, notamment des propos clairement orientés extrême-gauche, quoi. Genre... les menaces climatiques, l'amitié avec les immigrés, ce genre de choses. Ils s'en tiennent relativement aux questions de passe sanitaire et de vaccination. Mais il y a un problème, c'est-à-dire que dans les manifs que j'ai faites, la manif auquel j'ai assisté, on voit très bien que ces gens-là, qui certains sont des gilets jaunes, vraiment habitués à tenir les manifs. Ils ont une organisation, ils se connaissent depuis belle lurette, et c'est eux qui décident tant tant des périples hein, qu'on avait effectués, des parcours, qu'un petit peu du ton donné, en fait. Et il y a quand même de tout. C'est-à-dire que il y a de la... Il y a des abrutis de gauche qui vont avec leurs petits moyens du bord, leurs petites enceintes, leurs mégaphones, haranguer 20 personnes et danser sur des chansons de gauchistes que je ne sais, que je connais pas. Hein. Et si, on veut danser ou je sais pas quoi là. Oui, c'est ça, c'est nous, ce qu'on veut, c'est continuer à danser encore. Enfin, ah non, mettez-nous des chants de marche allemands là-bas. Ouais, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir marcher, tu vois. On veut pouvoir marcher, ouais. Défiler, nous aussi. C'est ça, on veut pouvoir défiler. C'est... Ouais, au flambeau. Ça, c'est affreux. Ça, c'est vraiment affreux, quoi. Parce que, d'ailleurs, à un moment, moi, j'ai une bonne femme qui m'a cassé les noix. Je sais plus ce qui s'est passé. Je parlais avec des gens. Et elle me fait, non, mais il faut pas la violence, ça sert à rien. Je l'ai regardé, je dis bon, c'est bon. Si vous pensez vraiment que les mecs en face, ils vont nous laisser avoir gain de cause, hein, redescendez sur terre. Quoi. Mais en revanche, il y a aussi des trucs un peu plus positifs, c'est-à-dire que moi, je marchais tout seul, hein, je fais ma vie, quoi. Et puis à un moment, je vois un mec, bon, clairement d'extrême gauche, qui parlait avec d'autres individus, et puis. Commence à parler de société, de violence policière, mais de société policière, en fait, qu'on allait vraiment rentrer dans un régime policier. Et là, je me retourne et puis je dis, mais en fait, on vit déjà sous un régime policier. Il me dit, bah, pourquoi tu dis ça? Je dis, bah, écoute, c'est très simple. À partir du moment où tu vis dans une société dans laquelle tu pars en prison si tu as prononcé des mots, dire, je ne parle pas d'avoir agressé des gens, je ne parle pas d'avoir tué ou violé. Hein. Je dis, si tu prononces certains mots, tu pars en prison. Donc on vit déjà sous le régime que tu penses dans lequel on va vivre. Et bon, après, je continue à parler d'autres choses parce que je lui ai posé des questions, je me suis intéressé un peu à ce qu'il disait. Et finalement, bon, il a bien vu qu'on n'était pas du même bord, même si j'ai pas été radical, hein, mais on a quand même réussi à discuter. Et ça, c'est intéressant. Après, il y a eu d'autres. À un moment, j'ai vu un couple de jeunes gauchistes. Il y en a une qui, avec son. Avec son. Son stylo. Son blanco, en fait, en stylo, s'est amusé à taguer de façon un peu mignonne un distributeur de billets de banque. Et pour rigoler, je suis arrivé sur le côté et je leur ai fait. Police globaliste, police Rothschild, bonjour. Je viens de vous voir. Vous avez fait un graffiti là, mais ça a pas bien se passer. Et puis en fait, à partir de ça, on a rigolé. Et puis pareil, on a commencé à aborder d'autres sujets. Et elle a commencé à parler de liberté d'expression. Et là, rebelote, je lui dis mais la liberté d'expression, il n'y en a plus en fait. Et donc je lui ai sorti une même laïus. Mais là, je suis allé un peu plus loin. J'ai agrémenté avec elle et son copain. Je leur ai dit mais. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que, regarde, ici, les gens, je pense qu'ils avaient jamais été traités de complotistes ou d'antivax. En fait, ils avaient jamais fait partie de l'axe du mal. Je leur dis, regarde, il y a beaucoup de gens ici, c'est des gens qui sont de gauche ou d'extrême gauche, et aujourd'hui, ils font partie de l'axe du mal. Je lui dis, parce qu'en fait, il y a tout un système, blablabla. Je lui dis, regarde, tu vois, par exemple, parce qu'à un moment, elle me dit qu'elle est végane. Je lui dis, alors, toi, t'es vegan. Elle fait, non, mais c'est parce que j'ai des problèmes de santé, mais je suis pas vraiment vegan. Je dis, mais regarde, les vegans, c'est pareil. Quand t'es pas vegan, leurs adversaires, ils appellent les carnistes. Et en gros, je lui explique que, en France et dans le reste du monde occidental, il y a l'axe du bien, l'axe du mal, et que c'est ouais. Le même principe qui est utilisé depuis toujours pour non seulement diviser la population, diviser les familles, créer des tensions politiques, mais également s'arroger le pouvoir. Hein. C'est. Viser pour mieux régner, quoi. Saucissonner les saucissons pour ceux qui mangent pas le cochon. Par ceux qui mangent pas le cochon. Voilà. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que ce couple de jeunes, je veux dire, avoir entre 25 et 30 ans, ils ont été assez réceptifs. Là, ils ont compris, en fait. Alors bien sûr, je suis pas arrivé en mode c'est le juif, dehors les bicots, dehors les nègres. Non. Je suis resté dans la thématique du complot international contre les blancs via le pass sanitaire, mais sans prononcer ces mots-là en fait. Donc, à voir ce qui se passe, parce que j'ai entendu dire aussi que le cortège, enfin j'étais pas là ce jour-là, mais que dans certaines villes, les cortèges auraient viré les gens qui étaient un petit peu trop véhéments au niveau de leurs revendications d'extrême gauche. Donc à voir ce qui se passe. Oui, on a eu un exemple la semaine dernière, hein, un témoignage direct des anti. C'était Lilith que je salue, qui nous a rapporté ça. C'est je crois que c'était à Montpellier, je crois. Bon, sous toute réserve. Hein. Je crois que c'était à Montpellier où les antifas ont essayé de squatter la manifestation. Les gens n'étaient pas intéressés, ils n'étaient pas preneurs. C'est-à-dire que la vieille vulgate marxiste n'intéresse personne. C'est pas le sujet. N'est-ce pas ? C'est pas le sujet. Évidemment, ils essaient constamment de squatter. Ils ont essayé de faire pareil à Nantes, par exemple, cette semaine, là, le 7 août. Ils se sont dit, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va squatter une place. Donc, ils étaient en cortège, et ils ont dit, tiens, allez, voilà, les gens, on va squatter. Mais les gens n'ont pas du tout envie de se mettre à planter des tentes. C'est des trucs de gauchistes. Il n'y a que des gauchistes finis à la pisse qui peuvent avoir des idées aussi tordues. Les mecs se sont dit, on va créer un camp de migrants, grosso modo, mais avec des blancs, sur une des places emblématiques de Nantes. Et là, on va dire, je sais pas quoi, abat le capitalisme. C'est comme si t'allais abattre le capitalisme parce que tu plantes, je sais pas, une centaine de pelés sur une place. Enfin, c'est vous dire ce qui se passe dans la tronche de ces camés, quoi. Parce qu'ils sont tous camés, hein, faut pas rêver. Et que dalle, et que dalle, évidemment, que dalle. Les gens, ils s'en foutent totalement. Les gens, ils sont d'une confrontation complètement différente avec l'État. Mais... Donc ça prend pas, ça ne prend pas, et j'ai tendance à penser que ça ne prendra pas. Pourquoi je dis ça ? Parce que il n'y a pas d'unanimité à gauche sur le sujet. Sur les Gilets jaunes, il n'y avait déjà pas d'unanimité à gauche, mais c'était quand même un peu moins marqué, parce qu'il y avait une gauche bourgeoise qui déjà trouvait que le peuple sentait mauvais. Vous voyez, donc le peuple qui mettait les Gilets jaunes sentait mauvais. Ça faisait un peu trop prolétarien pour eux, donc ça ne leur plaisait pas tellement. Donc tous les grands bourgeois de la gauche en fait étaient pas tellement tentés, hein. Mais bon, il y a eu une exploitation assez féroce de l'extrême gauche, mais en réalité le mouvement des Gilets jaunes a cessé, on le sait, hein, en janvier 2020, quoi, hein, voilà, ça a duré novembre, décembre, un peu janvier, et ça s'est terminé là, parce que Macron a cédé sur sa fameuse taxe, etc. Bien. Donc ensuite, il y a eu des gauchistes qui ont continué à défiler, mais c'est pas que le mouvement des Gilets jaunes a été récupéré par l'extrême gauche. C'est que le peuple a arrêté de manifester, ils ont arrêté d'aller sur les ronds-points, ils ont lâché à ce moment-là. L'extrême-gauche a continué à défiler, c'est tout. Mais il n'y a pas eu de récupération, vous n'avez pas le peuple derrière l'extrême-gauche, ça n'a pas existé. Là, pour moi, sur ce qui se passe, à cause justement de cette folie pandémique et vaccinale alimentée par les médias, il y a vraiment beaucoup de gens de gauche qui achètent le discours officiel, ils sont totalement là-dedans. Ils croient au vaccin. Et les gens qui... Et je le constate parce que sur Twitter, si vous suivez les gros comptes de l'extrême gauche, il y en a quand même quelques-uns, moi je suis frappé de voir que les gros comptes achètent le discours vaccinal. Ils se disent pas que c'est possible que le virus ait été fait en laboratoire. C'est même pas un sujet. Il n'est pas possible que ce soit pas un virus, mais plusieurs virus. Une collection de virus, d'une expérimentation, qui ont été lâchés à droite à gauche. C'est même pas pensable. L'interférence du Pentagone, de l'armée américaine, alors qu'il y a eu un exercice global qui a été organisé 2 mois avant la pandémie officielle, ça n'existe pas. L'intervention de la Silicon Valley, Facebook, Zuckerberg, qui dès le mois de février écrivent à Fauci pour dire comment mettons en place la stratégie vaccinale. On est au mois de février, il n'y a pas encore confinement en France, hein, 2020. Hein. Non existant. Ça ne les intéresse pas. Pour eux, ça, c'est du complotisme. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, c'est très frappant, c'est que la gauche qui prétendait, y compris une partie de l'extrême gauche, qui prétendait remettre en cause l'ordre établi, en est arrivée maintenant à dire... Le problème, c'est tous ceux qui contestent ce que dit Google, Facebook, Big Pharma, YouTube, Macron, Bill Gates. Je veux dire, les plus grandes fortunes, tu ne peux pas remettre en cause Bill Gates. Les turbo-milliardaires qui te vendent ce truc-là, tu ne peux pas les remettre en cause. L'extrême-gauche te tombe dessus. Une partie de l'extrême-gauche, pas toute l'extrême-gauche, une partie de l'extrême-gauche. Les anarchistes, où sont-ils ? J'essaye de suivre, je ne trouve personne. Des mecs qui nous ont cassé les couilles pendant 40 ans, il est interdit, mort aux flics, etc. Ils sont où, là ? Je veux dire, ça y est, c'est bon, la tyrannie est en train de se mettre en place. Ils sont où ? Oh, ils sont pas là ! Ils ne le voient pas ! Ils vont peut-être sortir quelques black blocs pour faire chier dans les manifestations, pour que Macron puisse dire que c'est les manifestations, c'est le fait de voyous. Mais en dehors de ça, le mouvement anarchiste, bon, certes qui n'était pas un mouvement de masse, hein, mais n'est pas intéressé. Donc c'est ça que je veux dire. Visiblement, à l'extrême gauche, sauf quelques zadistes, un peu les gens qui de toute façon veulent vivre en marge, quand on sort de ça, et même dans ces milieux-là, il y a tout sauf un consensus. J'ai vu des street journalistes d'extrême gauche, très virulents, très très virulents, anti-flics, les mecs sont en train de faire la morale aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Je veux dire, tous les clivages ont pété. Tous les clivages ont pété. Et comme il n'y a pas cette unanimité, tu ne peux pas avoir toute la force de frappe de l'extrême gauche dans la rue. Les syndicats, ils sont où? Regardez ce qu'ils font en droit du travail. C'est, enfin, je veux dire, hey, je suis pas un cégétiste, hein, je veux dire. Mais... Non, non, mais c'est clair que la ministre du Travail qui fout au chômage les gens qui veulent pas se... franchement, quoi. Non, mais voilà, et tu te dis, bah ouais, les syndicats, ils vont appeler à une grève générale, enfin, en tout cas, ça justifierait des gens qui ont fait des manifestations pour des points d'indice qui bougent pas là-dessus, tu te dis, il y a un souci. Non, non, ils s'en foutent, ils s'en branlent. Pourquoi? Bah évidemment, ils sont achetés, vous allez me dire, c'est les syndicats jaunes, je le sais, mais ils soutiennent. Donc, comme vous n'avez pas ces syndicats, comme on ne les avait pas chez les Gilets jaunes, les syndicats, ils sont venus tardivement et vraiment. On voit bien le divorce de plus en plus. C'est plus le clivage de droite, le clivage gauche-droite, pardonnez-moi. C'est le haut de la pyramide et le bas de la pyramide. Et sans image, hein. C'est ça, exactement ça. Mais en fait, si ces mecs d'extrême gauche actuels, ils étaient vraiment sur la lignée de leur. Enfin, je n'allais pas dire la lignée de leurs ancêtres, non, parce que bon. Mieux, hein, Staline et compagnie. Mais s'ils étaient vraiment fidèles à ce qu'ils prétendent défendre, il est clair qu'ils seraient main dans la main avec tous les gens du peuple, quels qu'ils soient, contre les globalistes. Parce que tu peux pas, en fait, te prétendre d'extrême gauche anticapitaliste, anticapitaliste, quoi, et d'un autre côté, cracher sur un autre membre du bétail, parce qu'en fait, les gens. Tu peux être doctorant et toucher 10 000 balles par mois, ou tu peux être au RSA, t'es le même bétail, hein, pour ceux qui nous dirigent, donc faut pas rêver, quoi. Et si ces mecs-là étaient logiques, en fait, ils se diraient, bon, nous sommes des alliés objectifs de lutte, il y a une convergence à faire, ne serait-ce qu'au moins temporairement, et après, on verrait, pour se séparer, prendre des chemins différents, ou pas, ou se refoutre sur la gueule, bon, à voir. Mais t'en as quand même qui sont encore dans le... Si c'est pas dans le déni, c'est qu'en fait, ils sont fidèles, justement, pas à ce qu'ils prétendent défendre, mais à ce qu'ils sont. C'est-à-dire que ce sont vraiment les idiots utiles du système. Soit parce qu'ils en profitent directement, parce que bon, quand je pense à toutes ces putes de journalistes, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, en fait, quand tu vends ton âme, quand tu n'es que le mégaphone du gouvernement et des globalistes, et que tu es un journaliste, bah, excuse-moi, tu es une pute. Mais regardez comment ils se font prendre un parti. D'ailleurs, même le disent, hein, on avait cité ça la semaine dernière. Je crois que c'était le Midi Libre ou la Dépêche. Enfin, je suis beaucoup. De toute façon, ça se vaut. Hein, je veux dire. Ils étaient scandalisés. Il y avait France Bleu, sinon dans l'est de la France. Ils étaient scandalisés parce que les gens les prenaient à partie avec beaucoup plus de véhémence que sous les Gilets jaunes. Alors que sous les Gilets jaunes, c'est déjà assez costaud quand même. Ah, c'était costaud déjà. Ouais, c'était costaud. Et là, visiblement, si tu veux, la foule a plutôt envie de passer aux travaux pratiques. Ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, tu vois, ça, c'est un truc qui me dérange. C'est des signaux révolutionnaires, hein, tout ça. Je vais pas me payer de mots, hein, je veux dire. Mais n'oubliez pas que l'affaire, le fond de l'affaire n'est pas médical. Le fond de l'affaire est financière, économique et politique. Et cette pandémie crée toute pièce, selon moi. Vous en pensez ce que vous voudrez, mais créer toute pièce, selon moi, instrumentaliser, sert à reprendre en main brutalement le système et à faire passer toutes les mesures de contrôle, tout ce que vous voulez, qu'ils n'auraient jamais pu faire passer autrement. Je l'ai dit, c'est ce qu'ils veulent faire au niveau de l'Occident, c'est ce qu'ils ont fait en Grèce, mais ils ont compris qu'en Grèce, on ne pouvait pas le faire frontalement. En termes d'image, ça marchait mal, il faut une excuse. L'excuse maintenant, c'est la pandémie. Et sur le long terme, c'est le pseudo-réchauffement climatique. Voilà, ils ont trouvé la combinaison, le sanitaire, le climatique, et on va se taper de la dépression lourde, de l'austérité programmée, on va te vendre le collectivisme, donc la collectivisation des pertes pour le peuple et la privatisation des profits pour l'oligarchie, et tu vas terminer dans une dystopie absolument atroce où en fait les gigagroupes internationaux de Big Pharma, de la Silicon Valley, de Wall Street, vont contrôler absolument tout avec leurs larbins locaux comme Macron et compagnie, et toi, tu seras vraiment un cerf. Tu seras un cerf, c'est tout, c'est ni plus ni moins que ça. Ou un cerf, bon français, un cerf. Et voilà, donc la question, elle a jamais été virale, d'accord, alors évidemment, on est obligé de se défendre, d'avoir des arguments pour dire... En quoi c'est bidon, justement, de démontrer que c'est un écran de fumée. Donc il faut parler de médecine un peu, même si on... Alors vous allez me dire, ouais, tout le monde s'improvise un petit peu virologue. Malheureusement, c'est un peu le cas. Mais on a quand même des démonstrations. Je veux dire, quand on parle de Gibraltar ou de l'Islande, on apporte quand même des éléments qui démontrent que ce qu'on nous avait vendu n'est pas au rendez-vous. Bon, mais c'est l'écran de fumée. Et il faut voir à travers l'écran de fumée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il ne faut jamais perdre de vue ce truc-là. Et il ne faut pas se laisser hypnotiser par ces histoires de virus. Qu'est-ce qu'elle est la bonne stratégie pour le... Quand vous dites, voilà, c'est ça le truc. Si vous achetez le discours antiviral, vous perdez de vue 99% du véritable film. Et vous allez vous perdre dans des discussions. Quelle est la bonne stratégie, la mauvaise stratégie? Il faut faire se piquer, pas se faire piquer. Vous perdez l'essentiel du film. Et il faut dire aux gens, non mais attends, au-delà de la narration médicale, sanitaire, le vrai film, il est financier, il est social, il est économique. C'est là que ça se passe. Voilà. Et là, on rentre dans le dur. Et tout d'un coup, tu vois toutes les mesures qui passent, où tu licencies des gens comme ça. Non, mais c'est du délire. De toute façon, il n'y a qu'à regarder les traîtres. Hein. Voilà, là, ils se présentent tous. Hein. Ils se bousculent. Vous n'avez qu'à les regarder. Putain, c'est le vrai test. Hein. Qui sont les purs? Qui sont les salopards? Hein. C'est maintenant, vous n'avez qu'à les compter. D'ailleurs, il y a même des gens qu'on compte parmi nous qui ne sont pas de notre famille. Hein, voilà. Bon, bah, ils sont là, c'est comme ça. Excuse-moi, Captain. Non, je t'en prie. Ce que je voulais dire, c'est que un de mes grands regrets, c'est que justement, étant donné que les manifs sont... Bon, il y a un caractère spontané, mais il y a aussi un caractère organisé. Quoi. Oui. Je veux dire, tous les gens qui y vont, parce que voilà, ils ont vu la lumière, en fait, bon, ils ont vu sur des messageries internet des dates et des lieux de rendez-vous. Ouais. Ils y vont, mais effectivement, ils n'ont pas de contrôle sur la manif. Et donc, ils sont obligés de suivre ce qui est en train de se passer. Et le truc, c'est que ceux qui sont aux manettes, c'est la manif CGT, quoi. C'est, ouais. On se balade en centre-ville et puis après on ira boire une bière, quoi. Alors c'est mignon pour faire voir au gouvernement qu'il y a du monde dans la rue et que tout le monde n'est pas de leur avis et que ça peut continuer longtemps, ok. Mais juste défiler dans les rues, ça sert pas à grand chose. Exactement. Je pense par exemple, parce qu'on parlait des journalistes, que s'il y avait des cortèges. Hein, qui allait squatter et pas les samedis. Déjà le samedi ce serait pas mal. Mais si on allait squatter devant, alors on fait pas juste du défilé, on dit ouais, on passe par là et puis en fait non, on va y rester, tu vois. On va devant chez BFM TV, on va devant le QG du Télégramme, Ouest France, etc. Déjà les journalistes, les journalopes vont commencer à se poser des questions. Et puis après, on va essayer de faire ça en dehors des jours d'ouverture. Enfin, pardon, en dehors des jours de week-end. Mmh. On va faire ça pendant les jours d'ouverture. En fait, il faudrait vraiment arriver à foutre la pression sur tous ces gens-là. Alors, bien sûr, ils vont appeler aux factieux, ils vont appeler, non pas aux révolutionnaires, hein, ils vont appeler au fascisme, aux gens qui... ça d'expression, ils vont bien sûr, encore une fois, faire preuve d'inversion accusatoire pour essayer de s'en tirer. Mais on va pas... On ne va pas réussir à se sauver ni individuellement ni collectivement si on reste des enfants bien élevés, bien sages, bien éduqués. Ah, tu as raison, tu pointes du doigt le problème principal. C'est-à-dire que ça, c'est un peu le problème du spontanéisme. Les gens pensent que spontanément, quelque chose va se produire. Non, c'est bien que les gens défilent dans les rues, c'est une contestation, mais vous allez voir que dans la longue durée, ce sont les organisations qui font la différence. C'est-à-dire que des gens qui se rassemblent, mette au point une stratégie, coalise les énergies pour parvenir à atteindre des buts. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. Je veux dire, on ne fait rien sans organisation. Et ça, c'est un fait. C'est une réalité. Je ne pense pas que ces manifestations, parce que si on allait au bout de la logique, quel serait le but final de ces manifestations de masse? Moi, je le dis très bien. Ça devrait être, je dis bien, en théorie, hein, le renversement de l'État. Il faut bien comprendre que le gouvernement français ne va pas reculer. Et je vais vous dire pourquoi il ne va pas reculer, parce qu'il y a des gens qui pourraient se bercer d'illusions là-dessus. Ils ont piqué 45 millions de personnes. Bon. Bon an, mal an, si vous voulez, ils se disent, il y en a 45 millions qui ont acheté ce qu'on leur a dit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est autre chose? Mais ils présentent ce chiffre, ils vont continuer de présenter ce chiffre. Ils vont dire, oui, vous manifestez d'ailleurs très bien, vous êtes une minorité extrêmement bruyante, mais vous êtes une minorité. La preuve, et on a des statistiques, nous avons X pourcent de personnes vaccinées. Ils vont s'asseoir cordialement sur les manifestations. Macron va s'asseoir cordialement sur les manifestations. En raison... Ça peut être trompeur aussi, ce chiffre. Parce que ces gens se sont fait vacciner parce que c'est par la contrainte, par le phénomène d'entraînement. Mais ce n'est pas une force motrice. C'est une force qui suit. Donc, ce n'est pas une force en tant que telle. C'est juste la force de l'inertie. Mais ce n'est pas ça qui soutient le régime de Macron et ce système. Vous comprenez? Donc, ils vont brandir ce chiffre inévitablement. Et il pourrait y avoir, au bout d'un moment, il pourrait y avoir un sentiment de lassitude. Parce qu'ils vont dire, c'est bien, on est du monde dans les rues, etc. Mais pourquoi ça bouge pas? Pourquoi ça bouge pas? Pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'ils contrôlent les institutions. Et tout le problème est là. Macron et sa bande, c'est une minorité de la minorité, il ne faut pas rêver. Ils ne sont pas du tout représentés par le peuple. Mais toute l'infrastructure gouvernementale, étatique, sanitaire, etc., ils terrifient les gens, ils leur font peur, etc. Ils arrivent à les piquer. Donc une fois qu'ils les ont piqués, ils brandissent le chiffre, ils disent « Maintenant, vous vous taisez, on a la majorité avec nous. » Comme si c'était un peu une élection en temps réel à base de piqûres, hein, si vous voulez. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas un plébiscite pour Macron. Or, ils vont jouer la carte comme ça. Donc, il peut y avoir au bout d'un moment un phénomène de découragement qui peut poindre. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là si juste en défilant, on n'obtient rien? Mais c'est toute la question, justement. Voilà. C'est que spontanément, se rassembler dans la rue ne suffira pas. C'est important. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira jamais face à ce système. Vous voyez? Et ils sont à fond... Ils ont le système, les juifs ont tout mis là-dedans. Ils vont pas dire, ok les gars, vous êtes plus nombreux que nous dans les rues à ce moment-là. On lâche l'Occident. On a mené deux guerres mondiales pour le tenir d'une main de fer, mais on va lâcher maintenant. Non, ils vont pas lâcher. Donc, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que je crois qu'on va en venir là, c'est que les mesures qu'ils adoptent légalement ne doivent pas être respectées. Ça doit devenir quotidien, c'est-à-dire que vous devez carrément avoir des commerces qui n'appliquent pas. Vous devez avoir des restaurants, etc., qui n'appliquent pas. Des mouvements de grève s'il y a une menace de licencier quelqu'un qui n'a pas son pass sanitaire. Ça doit devenir un combat systématique, asymétrique, généralisé. Ce qui est le prémisse d'une guerre civile. La vraie guerre civile, pas la guerre civile fantasmée pendant très longtemps par l'extrême droite, une vraie guerre civile. C'est-à-dire que vous avez vraiment une part importante de la population qui dit « ça suffit votre truc ». Et les autres, ceux qui se sont fait vacciner, ils se sont fait vacciner deux fois parce qu'ils ont acheté le truc. Attention, quand Macron commande des milliards de doses, divisez ça par le nombre de citoyens français, alors même s'il envoie une partie à l'étranger, ça fait quand même beaucoup plus que deux doses ou trois doses par personne. Hein. Donc ces gens-là, ils comptent en piquer pendant quelques années encore, hein, avec passeport, etc. Est-ce que les gens vont accepter ça? Ad vitam aeternam, une partie certainement. Tout le monde, je ne crois pas. D'accord? Et donc, c'est pour ça que, vraiment, la contestation, c'est pas uniquement les samedis. Les samedis, on se compte. Tous les samedis, on se compte. C'est très bien. Mais en semaine, il va falloir prendre des actions, ça c'est vrai aussi. Ils maintiennent, distraient les masses. Et ils vont continuer à le faire, je veux dire, d'accord? Donc, ils vous sortent des youtubeurs à la con, des chanteurs à la con, des jeux à la con... Hanouna à la télévision pour plastronner, etc. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Il faut endormir la plèbe. Okay. Donc, la partie de la plèbe qui a une conscience de son intérêt commun et qui se révolte, et qui en plus est capable de nommer le juif. Et c'est ce qu'on a vu avec les panneaux magnifiques. Là, je vais citer ça quand même. Bravo à tous les démocrates, franchement. Bravo à vous tous. J'en ai tellement, là, des photos. Merci merci à vous de les avoir envoyés. Qui nous ment, qui nous empoisonne, un classique. J'en ai encore, mais à qui profite le crime? Il y a de magnifiques photos face aux Invalides, je salue les camarades qui étaient là-bas. Qui se radicalise en face des Invalides? Excellente question, qui se radicalise? C'est la plèbe qui se radicalise ou bien est-ce que c'est l'élite dirigeante qui se radicalise? Vous avez la réponse. Qui contrôle le Conseil constitutionnel légalisant la mise à mort des opposants à la tyrannie sanitaire? Qui, mais qui? Ça c'est notre ami Maurice qui pose la question, et la réponse est la suivante, c'est Fabius. C'est le juif Fabius du Conseil constitutionnel qui a pris la décision cette semaine, voilà. Bon, encore un juif, ils sont à tous les étages ceux-là, bien sûr. Bon, il y a d'autres slogans, je ne les ai pas tous. On veut plus de démocratie participative, dit une pancarte dans les rues. Je suis d'accord avec le démocrate qui l'a brandi. Qui empoisonne nos puits, tout à fait. Voilà, enfin, il y en a tellement. Qui, pour l'interrogation, Posternak, Lévy, Buzyn, Hirsch, Salomon, Manigold, Fischer, avec un très beau jeu. Vous savez, le jeu des bâtons, et ça finit avec un pendu. Le jeu du pendu, vous connaissez ça? On a le droit de jouer au pendu, hein, c'est pas interdit, je veux dire, voilà. Hein. Qui contrôle la meule médiatique, dit un autre slogan, magnifique aussi au pied d'une statue, je salue vraiment. Hein. Ils ont compris ce que je suggérais, ils l'ont repris parce qu'ils ont trouvé ça avisé. Je lis leur slogan, ils sont nombreux au pied de la statue. Hein, Hirsch, Buzyn, Fischer, touchez pas aux enfants, stop génocide gaulois. Voilà, ça c'est des slogans. Nommer les juifs responsables, c'est très important. Parler du futur, parler des enfants. La vaccination, ça vise les enfants. Et leur projet vise les enfants, les générations futures. Et bien évidemment, stop au génocide gaulois, un des meilleurs slogans, et de loin, qui n'est pas de nous, mais qu'il faut reproduire partout, en plus du qui. Donc très bon thème, hein, la question des enfants. Ça, les gens comprennent tout de suite. Hein, tous les pères, les mères de famille, tout le monde le comprend. Nommer les juifs. Parler du génocide gaulois, cette pancarte est extraordinaire, ils sont très nombreux tous les démocrates là, formidable. Hein. Évidemment, qui attend son messie après une pandémie mondiale, oui, on se demande. J'en ai parlé aussi, le drapeau bourguignon avec des qui, mais qui, formidable, qui empoisonne nos puits, etc. Voilà, ça c'est des bons slogans, okay, ça c'est poser les bonnes questions, ça parle aux tripes, les gens comprennent, ne vous laissez pas faire si on vous prend un parti, vous êtes là pour marquer votre terrain, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est pas dans 30 ans, c'est maintenant que ça se joue, je veux dire. Ok ? Donc, capituler maintenant, c'est terminé, quoi. Voilà. Donc, bravo à tous ceux qui ont participé aux manifestations et qui démontrent cette rage gauloise, moi, qui me plaît, quoi. Tu vois, ça, c'est la rage celtique, j'aime ça. Bravo à tous les démocrates, merci d'envoyer les photos. Changez pas, ça va dans la bonne direction. Voilà. Stop au génocide. Après la rage gauloise, il va falloir l'arrivée de Vercingétorix et l'unité des Et voilà, c'est exactement voilà. Ça. Voilà. Bon, pour lutter contre Anonyx et Zemorix. Ah bah non, du coup, c'est les envoyés de César, mais bon, on regrette César. C'est ça. On regrette César. Les espions. Alors, courage à nous tous, hein. Force et honneur, hein, comme on dit. Force et honneur, absolument. Souplesse et robustesse. Il y a d'autres trucs que je voulais souligner là. La lycra, c'est, putain. Gandalf a des dons de voyance, je vous le dis, des dons de prophétie. J'ai des capacités de divination hors du commun. Je l'avais dit que les juifs essaieraient de changer les règles de la langue française, s'improvisant par la même nouvelle académie française. Ça n'a pas loupé. La lycra a annoncé que l'utilisation du mot qui dans les manifestations sur des pancartes serait désormais passible de poursuites. Donc ils vont monter des espèces de procès truqués, des procès en grammaire, j'imagine, avec des magistrats payés par avec 30 deniers, j'imagine, quoi, pour faire condamner des Français qui, sur la terre de leurs ancêtres, posent la question de qui est derrière tout ça. Donc c'est à ce point d'arrogance des juifs qu'on en est arrivé. Hein. Donc le communiqué de la LICRA, qui, cette nouvelle manière d'afficher et d'assumer son antisémitisme, dit la LICRA, des noms pour dénoncer, des cornes pour diaboliser. Alors les cornes, c'est parce qu'il y avait des cornes à ajouter au cul de qui, vous voyez, pour montrer que c'était le diable qui était en action. Des cornes pour diaboliser, eh bien très bien, des tribunaux pour juger, nous dit la LICRA, qui visiblement le numéro de téléphone des juges. Ils ont déjà le verdict, j'ai envie de dire. Intéressant. Ces juifs ont intérêt à faire attention. Parce que là, je veux dire, ils sont en train de déclarer la guerre à des centaines de milliers de personnes. Alors, il n'y a pas des centaines de milliers de personnes qui brandissent ces signes, mais forcément, ça va... Les gens vont cogiter. Fatalement, s'ils se mettent à traîner en justice les participants aux manifestations qui ont le tort de ne pas avoir la bande pancarte, les gens vont commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui se fait que quoi ? Un petit mot là-dessus, là, et je vois même que Golnayoud n'est pas content. Hein. Maintenant, il dégueule. Ah, mais il dégueule mais alors, cordialement sur le cortège qui remet en cause Buzyn et notamment Salomon, hein, visiblement, parce que c'est le descendant de Dreyfus et on l'accuse de trahison. Oui, bah, je vois pas. Ah oui, bah, tu effectivement. T'as pas vu que Francis Khalifa a identifié la porteuse de la pancarte, hein, qui est Cassandre Fristo. Oui, oui, c'est une candidate du PDF. Ah, magnifique, bravo, bravo, Parti de la France, formidable. Bravo, bravo à Cassandre, bravo PDF, absolument. En plus, elle a un beau nom, Cassandre, notez bien. Cassandre Fristo, oui, alors, pour ceux qui n'ont pas compris la mythologie, le problème n'est pas que Cassandre annonce un mauvais malheur, c'est que le problème, c'est que Cassandre a raison. Hein, parce qu'effectivement, il y a cheval de Troie. C'est pas que Cassandre est la porteuse d'une mauvaise nouvelle, c'est que Cassandre a raison. Voilà. Bah, Cassandre a raison. Cassandre a raison. Et voilà. Là, vous avez un nouveau slogan, on vous l'offre, c'est gratuit. Cassandre a raison. C'est peut-être un petit peu codé. Qui Cassandre a raison. Alors, des références grecques, autant vous dire que là, vous allez impressionner les masses. Cassandre pour Milan. Un peu plus, même. Mais Milan, c'est bien. C'est une bonne note. Très une bonne base. Une bonne base, ouais. D'autant que le cheval de Troie est aussi un phénomène immunitaire. On en avait parlé il n'y a pas très longtemps. C'était le docteur Tenpenny qui parlait de ça. C'est-à-dire le fait que le corps n'arriverait pas à reconnaître le virus, ce qu'on appelle les anticorps facilitateurs, ADE. Oui, l'ADE, le phénomène de l'ADE. Oui, oui, exactement, oui, oui. Donc, en fait, voilà, les Troyens ne s'aperçoivent pas que dans le cheval de Troie, il y a des gens qui sont là pour saccager la ville, et voilà. Cassandre n'est pas cru. Et voilà. Vous voyez les symboles, vous êtes sensibles aux symboles, c'est jamais par hasard, ça. C'est pas être superstitieux, ce que je dis, hein. C'est savoir interpréter les augures. Ça, c'est un augure. Vous voyez ? Cassandre a annoncé une nouvelle. Alors, comme ça, le juif califat se permet de menacer nos gens ? Qu'est-ce qu'il a dit, le juif ? C'est pas la première fois. Oui, ça pourrait... J'ai demandé à notre avocat, maître David Olivier Kaminski, de déposer plainte au nom du CRIF contre Cassandre Fristo, identifié comme la personne portant la pancarte antisémite lors d'une manifestation anti-vax. Très bien. Tolérance zéro. D'accord, voilà, tolérance zéro pour les juifs. Ils nous déclarent la guerre sur notre territoire. Ils veulent nous enchaîner, nous priver de vie sociale, nous faire mourir à la porte des hôpitaux, nous priver d'emploi, nous faire taire sur la terre de nos ancêtres. Et ils pensent que nous allons nous soumettre. Je leur propose une fureur gauloise à la place. Voilà. Et voyez, regardez cette race impudente, agressive et hostile. Et voyez ce qui arrive. Vous les laissez faire. C'est ce qu'avait dit le professeur de Mergue. Hein. Les Français se sont choisis pour chef des Juifs. Ils vont en crever. Et ben voilà. Voilà. Cheval de Troie, Cassandre, l'empoisonnement. Tout est raccord. Mais les démocrates sont vigilants. Les démocrates sont vigilants. Ça se rapproche. On va laisser aux Juifs leur petite phase de d'arrogance. Voilà, c'est leur c'est un petit peu leur petit lot de consolation. Ils n'ont plus que ça, hein, sous la main, on va dire. Ils peuvent pas descendre dans les rues, hein, qui pas, à mon avis, ça serait pas. J'ai des réserves quant au succès d'une telle opération. Quelqu'un là-dessus, sur Golnadel, le juif qui vitupère contre le populiste Golnadel qui finalement aime pas trop le peuple. Oui, en fait, tu vois, Golnadel, quand on critique uniquement l'immigration de masse, de façon quand même, on va dire, assez soft, et quand on critique le problème que représente l'immigration maghrébine ou africaine, ça va. Ça, c'est pas un problème, tu peux le faire, bon goy, mais tu le fais de la façon dont j'ai envie que tu le fasses. Et surtout, tu fermes ta gueule, Toby. Tu seras un bon goy. Mais alors, quand un goyim se déclare indépendant et déclare que, en fait, non, t'es pas légitime à parler parce que t'es pas français. T'es pas français, Golnadel, tu le seras jamais. Ton pays, c'est Israël. Bah, vas-y, retourne-y. Et coltine-toi les Palestiniens si tu veux. On fait pas partie du même peuple, on fera jamais partie du même peuple. Donc ne viens pas me casser les couilles parce que j'ai pas envie de critiquer l'immigration avec toi, selon ta manière. Et il est fébrile, la Golnadel. Il est fébrile, je sens, il vibre, il est tremblotant. Il est plus aussi sûr de lui-même et dominateur qu'il a été il y a encore quelques mois. C'est très bien, c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Il a dit que nous étions des sombres teints, sachant que le 7 avril 2020, nous avons annoncé le pass sanitaire obligatoire et l'obligation vaccinale, hein. 16 mois à l'avance. Hein. La classe. Pas mal quand même, hein, démocratie participative. 16 mois à l'avance, je vous dis, ça confine à la divination, hein. Mais comment dire disons que nous avons des mages et des évêques. Exactement. Non, mais pourquoi c'est ça que les gens doivent méditer là-dessus. Comment ça se fait qu'on arrive à annoncer un an et demi à l'avance ce qui va se passer? Et c'est vérifiable, puisqu'il suffit d'aller sur le site. C'est pas parce qu'on est plus intelligent, c'est simplement qu'on accepte la critique objective de ce qui se passe. Donc on ne prend pas pour argent comptant tout ce que le système nous dit. À partir du moment où vous avez une distance critique, vous voyez à travers les fils. Ouais. Et du coup, vous pouvez simplement, par déduction logique, annoncer des choses qui sont simplement, du point de vue des dirigeants, absolument évidentes. Voilà, c'est la naïveté de la base qui la perd. Mais un exercice logique permet très vite de voir où veut en venir le système. Hein, voilà, c'est pour ça qu'il n'aime pas la démocratie participative, notamment Golnadel. Le juif Golnadel n'aime pas ça. Voilà, mais toute la clique, hein, toute la clique des Hébreux, là. Mais ils ont raison de transpirer, parce que c'est un moment important, et je veux le souligner aussi. Nous n'avons pas vu ce que nous voyons durant les Gilets jaunes. Là, maintenant, dans tous les cortèges, grâce aux démocrates, grâce à leurs pancartes, et en dépit des menaces de cette juiverie aux abois, l'ennemi est nommé. Intelligemment, subtilement, mais il est nommé. Et ça, en termes de progrès dialectique, c'est considérable. Entre frapper dans le vide et frapper sur l'ennemi, c'est pas du tout la même chose. Et là, on frappe enfin sur l'ennemi. Alors c'est sûr, c'est pas la totalité des cortèges. Mais ça peut progresser beaucoup plus vite que vous ne pensez, y compris chez des gens qui ne manifestent pas. Parce qu'attention, tous les vaccinés qui ont acheté le truc, c'est à condition que ça marche. Si ça ne marche pas, si ça échoue, la rage qui sera libérée va amener tous ces gens-là à se poser des questions, et ils seront très sensibles à ce que nous aurons à leur dire, croyez-moi bien. Donc le message que nous portons, et que nous portons de plus en plus, et je félicite encore une fois les démocrates, est central. Et ça rend le pouvoir juif extrêmement nerveux. Le juif, une fois qu'il est mis en lumière, est pratiquement impuissant. Le juif ne peut agir que s'il est dans l'ombre. S'il est démasqué au vu de tous, il doit assumer son pouvoir et il doit assumer tous les coups de poignard qu'il veut donner à ses victimes. Et c'est plus du tout la même équation. Le juif ne peut agir que s'il se dissimule. Nommez le juif, nommez le juif, nommez le juif, continuez à nommer le juif. C'est ce que nous a enseigné le docteur Goebbels. Nommez le juif. Plus vous nommez le juif, plus vous l'affaiblissez. Plus il est en pleine lumière, plus il est dépourvu d'armes. C'est la seule solution. Et c'est tellement simple. Et en même temps, si difficile. Hein, puisqu'évidemment, le juif ne se laisse pas faire. Mais c'est la seule voie. Vous voyez, regardez avec quelques pancartes dans quel état ils sont déjà. D'excitation, tous. Toute leur grande tribu. Là. Ça, c'est maintenant que ça se joue, je veux dire. Donc, on vise le quartier général. Bernard, là, le youpin à cheveux frisés qui a lancé le mème, il se trouve que ce type est communicant. Ah bah dis donc. Et j'avoue que je pense qu'il n'a pas pensé en fait à la portée symbolique de son qui mais qui. Il n'en a absolument aucune idée. Alors je sais pas s'il en avait peut-être pas. À mon avis, là, il commence à en prendre la mesure. À mon avis, il a quand même un petit peu. Oui, mais écoute, tant mieux pour lui. Je vais dire un truc. ce type-là, enfin, c'est vraiment, c'est un putain de parasite. Et la nouveauté, enfin, très spécifique aux Juifs, hein, c'est que ces gens, tout en étant des parasites, sont des gardiens de l'ordre moral. Et qu'est-ce que Ah ouais. faisait Pasternak? Il a lancé un indice qui s'appelle le baromètre Pasternak IFOP, qui... Ah, mais Je ne l'exhibitionnisme déconne pas. Je ne déconne pas. de cette C'est race. ça, mais c'est vraiment... C'est un peuple, mais... Pff, écoute, tu sais bien que je suis pas chrétien, Gandalf, je suis plutôt païen, mais... Oui. Pff, je veux dire, voilà, race de vipères, Ah marchands du temple. oui, ah Et... oui. Non, mais c'est... Oui. Donc, il a lancé un baromètre pour... C'est vieux comme le monde, hein, mais sauf que maintenant c'est beaucoup plus visible à travers toute la mouvance woke et compagnie, comment dire, d'opinions positives en fonction pour les entreprises, quoi, tu vois. C'est l'image plutôt bonne d'une entreprise. Et je veux dire, je parle d'ordre moral, hein, mais vu que la situation va se durcir, quand l'ordre moral est en fait assez flou, assez divagant, quand ces gens nous expliquent que finalement, peu importe ce que vous faites, car la liberté, c'est ce qui compte le plus, ça se voit pas trop. Je veux dire, les hiérarchies ne se voient pas trop. On est dans un monde, comme on dit, libéral, libertaire, quoi. Mais là, vu que la situation va se durcir, ces gens, ces dégénérés, vont de plus en plus estimer être les gardiens de l'ordre moral. Et vont Oui, même plus avoir à se justifier, ils vont tout simplement dire, nous avons raison parce que nous avons raison, parce que nous sommes la vérité. Et vous, nous avons raison parce que pauvres nous sommes dieux, juifs, en fait. Mais oui. voilà, c'est ça, Bah et c'est ça qui est génial, c'est que oui, mais les c'est. choses vont se voir, les choses vont se dévoiler, tu vois, ça va se voir à un moment donné. Et c'est très très bien que les masses identifient ces 7 juifs au nouvel ordre moral. Oui, C'est très très bien. je sais pas si la stratégie de la LICRA consistant à poursuivre tous ceux qui brandissent, qui disent qui, mais qui pose une question. Je veux dire, les mecs sont en train de se vendre, hein. Ils sont en train de se vendre. Je veux dire, ouais, mais qui, quoi, etc. La LICRA qui arrive, comment ça, quelle question vous posez là? Ah bon, pourquoi je vous ai gêné? Bon, ah, voilà, non, mais les juifs, quoi. Je veux dire, putain, mais moi, j'ai. Les mecs sont tellement persuadés d'être intouchables, d'être au fait de leur domination sur ce con de bétail goy, ils osent tout. Et Audiard, cet antisémite, que personne ne sait qu'Audiard est antisémite, finalement, quand il a dit que les cons, ça ose tout, et que c'est même ça qu'on les reconnaît, t'as à se demander si en fait il n'est pas des juifs. Et il parlait sûrement des juifs, oui. C'est bien que tu parles d'Audiard, que tu mets ça sur le tapis, parce que contrairement à tout ce que les comptes gauchistes. Parce que les gauchistes, ils récupèrent tout. Ils ne créent pas grand-chose, mais ils récupèrent tout. Et Audiard est de chez nous, hein. Audiard vient de Bien chez nous, entendu. hein. Il a écrit dans la presse collaborationniste, c'était un antisémite très solide. Et je peux le dire, hein, je le convoque sans aucun problème. Il serait avec nous dans l'émission s'il le pouvait. On vous le dit tout de suite. Il ferait les dialogues. Mais non, mais c'est garanti, quoi. Je veux dire. Et c'est récupéré, dénaturé, on enlève l'essentiel du. Pourquoi Audiard était copain avec Céline, d'après vous? C'est pas juste parce qu'il utilise l'argot, Oui, hein. alors on parle de Michel Audiard, on parle pas du réalisateur qui lui est très à gauche. Oh Son fils. non, ouais, non, mais Oui. là, c'est. On parle pas de Jacques Audiard qui est un sinistre gauchiste. Ouais, on parle pas non plus Non, du. je parle bien de Hein? Michel Audiard. Non, mais bon, ils sont à l'image, voilà, de leur époque. Hein, mais bon, mais non, on parle des fondateurs, mais bien sûr. Non, mais attendez, la vérité antisémite va surgir. La vérité et l'antisémitisme sont deux choses identiques, vous le savez. Hein. Alors si vous me permettez, j'ai un petit passage très court à vous passer. Vas-y. Voilà, c'était bien sûr Goebbels, hein, au Sports Palace. Messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. À plus. À la semaine prochaine. À plus.